laisser la place à des éclaircies qui vont se dessiner d'abord au littoral. Donc après cette matinée par moments légèrement pluvieuse, eh bien on attend 16 à 20 ou 21 degrés. La nuit prochaine, les passages nuageux seront fréquents avec de fines pluies. Et puis demain, on connaîtra une journée enfin sèche avec des éclaircies, 17 à 21 degrés. Le ciel se couvre en soirée et on a à nouveau un petit peu de pluie dans la nuit et le jeudi matin. La situation reste assez stable, mais avec quelques averses jusqu'au week-end, moyenne de 16 à 20 degrés. Et donc vous êtes sur Viva, il est 9h. C'est le temps de l'info. Sébastien Pierre, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ce Conseil européen inédit et exceptionnel aujourd'hui à Bruxelles. Un sommet à 27 plus 1, le premier après le Brexit. David Cameron, le Premier ministre britannique, risque de se retrouver un petit peu seul. Lui qui ne semble plus si pressé ce matin de quitter l'Union européenne. Ses partenaires le regarderont sans doute un peu de travers aujourd'hui et lui mettront la pression. On ne peut pas mettre un couteau sous la gorge de David Cameron cet après-midi et le forcer à déposer une notification. Donc on va devoir attendre que la Grande-Bretagne dépose une notification. Mais je suis extrêmement clair. Nous voulons que cette notification intervienne le plus rapidement possible. Je comprends bien que l'on puisse vouloir respecter la Grande-Bretagne, donner un peu de temps à la Grande-Bretagne pour qu'elle puisse exprimer une position. Mais faisons attention. Moi, je n'ai pas envie de revivre pendant des mois et des mois un nouveau feuilleton. Après ce qui s'est passé avant le référendum, je mets en garde, pas un nouveau feuilleton pendant des mois sur quelles sont les conséquences du référendum. Charles Michel avec Bertrand Hen, le Premier ministre belge qui est sur la même longueur d'onde que la France, l'Allemagne et l'Italie. Olivier Henrion, le divorce donc entre les Britanniques et l'Union européenne semble donc acquis, mais il est encore loin d'être prononcé. Le Royaume-Uni, on le sait depuis vendredi matin, va quitter l'Union européenne. Mais pour cela, il faut que Londres notifie son intention de partir au Conseil européen. C'est ce que prévoit le désormais célèbre article 50 du traité sur l'Union européenne. Plusieurs dirigeants européens espéraient que David Cameron profite de ce sommet pour notifier son départ de l'Union européenne. Plusieurs dirigeants européens espéraient que David Cameron profite de ce sommet pour notifier son départ, démissionner et veut laisser cette tâche à son successeur. Seulement, cette période d'incertitude qui s'annonce agace les Européens qui demandent plus de clarté aux Britanniques. Et pour tenter d'accélérer le processus, ils vont dire aujourd'hui à David Cameron qu'aucune négociation ne pourra avoir lieu avant que Londres n'active cet article 50. Et comme pour mieux montrer leur détermination à ne pas se laisser dicter l'ordre du jour européen par un pays qui a choisi de partir, ils se retrouveront mercredi à 27 sans le Royaume-Uni, une première depuis 43 ans. Et lors de ce sommet prévu demain à 27, donc, les dirigeants européens évoqueront le Brexit, mais ils vont aussi réfléchir à un nouveau projet pour l'Europe. Même s'ils coûtent plus cher, Sodexo et Poisson Sucré ont toujours la cote auprès des Belges. Oui, depuis 6 mois, leur prix a augmenté de quelques centimes, une taxe imposée par le gouvernement fédéral avec pour objectif d'inciter les Belges à se tourner vers des produits plus sains. Mais apparemment, Yasmina Favaro, ça ne fonctionne pas très bien. Non, le Belge consomme toujours autant de boissons sucrées, même s'il sait qu'elles peuvent... Ça ne fonctionne pas très bien. Non, le Belge consomme toujours autant de boissons sucrées, même s'il sait qu'elles peuvent... Le Belge garde ses sodas dans son frigo, il a par contre adapté sa façon de les acheter. Pour éviter de payer trop cher, eh bien les consommateurs optent pour deux options. Certains évitent les marques et se retournent vers les produits discount. D'autres, un Belge sur cinq tout de même, passent la frontière et va se fournir en boisson chez nos voisins où les prix sont plus mini que chez nous. Une information à lire ce matin dans les journaux flamands De Morgen et Atlas Tenius. L'inquiétude de certains anesthésistes, ils pourraient manquer de produits pour endormir les patients dans les semaines à venir. La faute au fabricant GSK qui ne parvient pas à rattraper son retard. Conséquent, certaines opérations non urgentes pourraient être reportées, même si du côté de l'Agence fédérale pour les médicaments, on se montre rassurant, il n'y a pas de véritable pénurie pour l'instant, indique-t-on. Ce constat embaucher une personne handicapée mentale, eh bien, peu d'entreprises franchissent encore le pas. Oui, d'après une étude de la Haute École Commerciale de Liège, le taux d'occupation de personnes handicapées mentales est inférieur à 5% dans les entreprises wallonnes. Marc est l'un de ses travailleurs. Il bosse en tant que réassortisseur dans un grand magasin de Herstal en province de Liège. Laurence Bronnen est sa responsable. Vincent Brichet et Eric Dagonier les ont rencontrés. Bon, voilà, je prends un tâton, un papier, un bic. On va noter chaque fois les produits. Ariel, la 5. Après, c'est Dash. Pascal, ce matin, gros entretien. Oui. N'oublie pas le mot d'ordre de la semaine. Football. Le football, les Diables Rouges. Il faut absolument que tu gardes un œil comme tu es le plus proche des rayons. S'il n'y a plus d'articles sur les Diables Rouges, c'est le moment. On a jusque vendredi pour vendre un maximum. Oui. D'accord ? Tout ça, les poitouilles, tout ça. C'est bon. C'est rien, l'appareil. Ah oui. C'est rien, madame. Il a vraiment trouvé sa place dans l'équipe. La seule tâche qu'il ne fait pas aujourd'hui, c'est la caisse. Il participe à tout. Il fait tout, comme n'importe quel autre de nos collaborateurs. Quand Pascal... On met en place une nouvelle procédure. On ne va pas lui donner et lui faire lire. On va la lire avec lui, lui expliquer, lui montrer sur le terrain, qu'il voit vraiment concrètement ce qu'est cette nouvelle procédure. Il en a d'ailleurs établi une lui-même, qu'on utilise aujourd'hui dans tous nos magasins. Donc, ce qu'il vous a montré sur les palettes, c'est sa méthode de travail qu'on a appliquée dans tous les autres magasins. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un travailleur heureux ? Oui, heureux, oui, heureux. Un reportage à Herstal signé Eric Dagonier et Vincent Brichet. Le football maintenant, l'Islande s'est fait un nom dans le foot mondial. La petite équipe d'Islande est en quart de finale de l'Euro pour leur première participation à une grande compétition internationale. Les joueurs islandais ont fait fort, ils ont battu l'Angleterre hier soir 2-1 du côté des supporters anglais, c'est la douche froide. Se faire mettre en dehors de l'Euro et de l'Union Européenne la même semaine, ça fait beaucoup. I'm speechless, to be honest. Ça me laisse sans voix. Je ne pensais pas qu'on pouvait battre les favoris de l'Euro, mais l'Islande, je pensais que c'était possible. Notre capitaine Rooney a été décevant. Je suis dévasté parce que non seulement notre pays quitte l'Union Européenne, mais là en plus on quitte l'Euro contre l'Islande. Maintenant, il faut rentrer en Angleterre. Il va faire froid, il va pleuvoir, ça sera horrible. Un supporter anglais déçu au micro de nos collègues de Radio France. Et la France, justement, ce sera le prochain adversaire de l'Islande dimanche en quart de finale. Des quarts qui commenceront jeudi avec Pologne-Portugal. Vendredi, ce sera au tour des Belges face au Pays de Galles. Et samedi, l'Allemagne sera opposée à l'Italie. Les Italiens qui montent en puissance dans ce tournoi, comme en témoigne leur victoire 2-0 hier soir contre l'Espagne. En tennis, Alison Van Edvang joue son premier tour aujourd'hui au tournoi de Wimbledon. Elle affronte la Britannique Tara Moore, 227e joueuse mondiale. RTBF Mobile Info, un point sur vos conditions de circulation avec Stéphane Piebeuf. Et en province de Liège, c'est le chantier de Chorade situé sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles qui vous ralentit. Vous perdez une dizaine de minutes entre Blegny et Herstal en direction de l'échangeur de Loncin. La plupart des embouteillages concernent les axes qui convergent vers Bruxelles et le ring de la capitale. Pour rejoindre Bruxelles, 20 minutes supplémentaires sur le 411 qui vient de Namur où vous ralentissez entre Everace, Overace et le carrefour Léonard. 20 minutes également sur le 40 qui vient de Liège, ralentissement depuis Berthem jusqu'à l'échangeur de Woluwe Saint-Étienne. Et sur le 40 qui vient de Gand, un quart d'heure supplémentaire entre Ternat et Grand Bigard. Le motard d'Europe Assistance Initiale des départs en vacances, il s'est rendu sur l'A200 qui relie Bruxelles à Zaventem et à hauteur de Brussels-Airport. La circulation est fortement ralentie en direction de l'aéroport. Prenez donc de l'avance si vous devez prendre un avion aujourd'hui. Sur le ring, un accident s'est produit en circulation intérieure à Wemmel. Trois bandes de circulation sont neutralisées. Il y a des files en direction de Zaventem. Là où on perd le plus de temps sur le ring, c'est en circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard. Une demi-heure supplémentaire. Une demi-heure également pour la circulation intérieure entre Ittre et Grand Bigard. 25 minutes en plus sur le tronçon Grand Bigard Zaventem. Et puis je vous rappelle le sommet européen qui commence cet après-midi. Le quartier Schuman sera fermé à la circulation à partir de 13h30 et dès midi, les tunnels Reyers vers le centre et Montgomery seront également inaccessibles à la circulation. Les métros circuleront normalement mais la station Schuman sera inaccessible. Le métro ne s'y arrêtera pas. La station SNCB Gare de Luxembourg est desservie normalement et les lignes de bus Stib et de Line qui passent habituellement dans le périmètre Schuman seront déviées. Enfin pour terminer, un accident qui implique un camion à Laeken, un peu après le pont Van Praat vous ralentit, c'est la bande de droite qui est neutralisée, il y a des files en direction de Mézières. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle journée sur Vivacité, sur la Une, en télé. Le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée et à nous maintenant la discussion. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée et à nous maintenant la discussion. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu des grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Et pendant que les ministres discutent en sommet européen, discutons entre citoyens. Voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, la Wallonie a un héros. Dimanche soir à Namur, Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Franchement, est-ce que vous l'auriez fait ? Dimanche soir, le jeune Yacine fête son anniversaire au centre de Namur. C'est le jour de ses 24 ans. C'est aussi le jour de Belgique-Hongrie. À la mi-temps du match, Yacine va se chercher à manger près de la maison de la culture quand il voit une femme dans l'eau. Au bord de l'eau, tout le monde crie « venez madame », mais personne ne plonge. Dans le journal La Meuse, Yacine raconte donc comment il a enlevé ses vêtements, sauté dans l'eau, nagé une dizaine de mètres pour rejoindre la dame. En deux minutes, grâce à lui, Dominique, 61 ans, était sorti de l'eau et sauvé, emmené par les secours. Yacine est convaincu que même en hiver, il aurait plongé, car on lui a toujours appris à aider les autres, ce qui n'était visiblement pas le cas des badauds autour. Alors c'est la question pour vous ce matin. Là, il y a un héros. Dimanche soir, à Namur, Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Franchement, est-ce que vous l'auriez fait ? Et si vous nous racontiez le résultat de vos enfants, ça a été les examens. En primaire, par exemple, 91% des élèves ont réussi le CEB. En attendant donc vos résultats, ceux de vos enfants, les chiffres à disposition sont ceux de primaire, CEB. Sur 48 843 élèves, plus de 44 500 l'ont réussi, ce qui fait donc un taux de réussite de 91,18%. C'est à 1% près la même moyenne que les 6 dernières années. On dispose également de chiffres matière par matière, et vous nous direz donc matière par matière quelles sont les réussites et peut-être les échecs de vos enfants. Pour ce qui est du CEB, eh bien on sait que la moyenne en français est de 74,04%. La moyenne des élèves en mathématiques est à 74% et la moyenne en éveil est à 79%. Vous avez peut-être vu le JT de la RTBF hier soir avec ce doute. Les résultats du CEB sont parfois dépendants de celui qui corrige, puisque certains profs adaptent leur cotation en fonction du niveau de l'école. Mais peu importe le correcteur, voyons donc ce que vos enfants ont fait cette année. C'est la question pour vous ce matin. Et si vous nous racontiez les résultats de vos enfants, est-ce que ça a été leurs examens en primaire par exemple? 91% des élèves ont réussi le CEB. Dites-nous vos enfants en primaire, dans d'autres niveaux ou dans le secondaire. Et puis au 070-233-466, le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. 70%, est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis? Le piétonnier a pile un an. La dernière heure, Dedicated Research publie un sondage qui contredit tout le mal entendu sur le piétonnier de la capitale. Il n'y a donc que 21% des Bruxellois qui veulent le supprimer. 70% des Bruxellois le veulent et le sondage révèle donc une fracture entre les jeunes et les anciens. Les plus de 55 ans ne sont que 34% à le vouloir, alors que les 18-34 ans ne sont eux que 51% à le vouloir. Pour Yvan Meyer, où sont 51% à le vouloir? Les jeunes le veulent plus que les anciens, en clair, sans se perdre dans les chiffres. Alors c'est la question pour vous ce matin. Le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier, 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. 70%, est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis? Marion Jomotte, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. En bref, un jeune homme de 24 ans sauve une dame de la noyade, les résultats de vos enfants au CEB et enfin, le piétonnier bruxellois qui a un an aujourd'hui. C'est parti pour le show. Ce matin, c'est Déborah Laurent, journaliste 7 sur 7, et Mathieu Devez, rédacteur en chef adjoint de La Dernière Heure, qui sont les premiers à exposer leur avis ce matin sous votre regard attentif, Benjamin Maréchal. Déborah et Mathieu, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. La Wallonie a donc un héros, c'est le premier débat sur la table. Dimanche soir à Namur, Yacine a 24 ans. Il est le seul à sauter dans la Sambre pour sauver cette dame de 61 ans. Donnez-moi votre position et puis on écoute ce jeune homme. Est-ce que vous l'auriez fait, Mathieu, sauter dans l'eau à ce moment-là? Je ne sais pas. J'ai été voir un petit peu les images sur Google Maps. Ça n'a pas l'air très large. Il y a un peu de courant, j'ai lu. C'est pas très haut. On est à la mi-temps d'un match de foot. Je pense qu'en fin de deuxième mi-temps, j'y serais pas allé. Peut-être que j'y serais allé à la mi-temps. Ça fait beaucoup de réflexion. Déborah, est-ce que vous y auriez été? Je pense que j'aurais pris peur simplement sur mes propres capacités à ramener cette dame sauter, c'est une chose, mais il faut être sûr de savoir assez bien nager, d'être sûr de savoir la remonter et de pas couler avec elle. Donc je pense que j'aurais quand même hésité. Qui est ce héros? Il a 24 ans, s'appelle Yacine, au micro de Sud Presse. Voilà comment il considère l'inaction des autres autour. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont vues, la dame là-bas, et personne ne bouge. C'est quoi ça? Tout le monde est levé la femme là-bas et personne ne bouge. Pour sauver quelqu'un, c'est facile, c'est pas difficile. Il faut un peu de courage, si tu veux. C'est quoi ça? Alors c'est son interpellation, Mathieu. Les gens sont là, voient et disent juste à la dame, venez madame, sauf que la dame se noie. C'est quoi ça? Pourquoi les gens n'y vont pas? Bah déjà, c'est un beau gosse, il est baraqué, il est jeune, il est vigoureux, donc voilà, c'est peut-être un sportif de haut niveau dans son domaine. Je pense que tout le monde n'a peut-être pas ses capacités physiques. Je ne sais pas s'il y avait des jeunes qui étaient aussi costauds que lui, qui étaient sur le côté, et peut-être c'était des adultes ou des personnes plus âgées. Donc ça veut dire, Déborah, que si on est plus âgé et pas un sportif de haut vol, on peut ne pas y aller, on a le droit moral de ne pas plonger. Non, bien sûr, c'est toujours mieux d'y aller, mais je peux comprendre, voilà, comme je vous le disais, la peur, quand on assiste à un événement choquant et qui sort un peu de l'ordinaire, on a parfois quelques secondes d'arrêt avant d'agir, donc peut-être qu'il a été simplement plus rapide, peut-être que s'il n'avait pas été, d'autres gens y auraient été après lui. Voilà. Ouais, ce qui est surprenant, c'est que c'était à 10 mètres. Enfin, il a dit, j'ai nagé une dizaine de mètres. 10 mètres, c'est quand même vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, faire l'effort de nager à 10 mètres, c'est pas très impressionnant. À côté de ça, ils sont beaucoup. C'est pas une performance physique de plonger donc dans cette eau et de nager 10 mètres. C'est pas une performance physique. Nager 10 mètres, c'est pas... Enfin, je pense que tout le monde est capable de nager 10 mètres, sauf que je n'ai même pas appris à nager. Ah, c'est après, dans la Sambre, hein, c'est pas dans une piscine communale. Oui, hein. Il y a un peu de courant. Après, il faut ramener la victime, ça c'est certain. Ce qui me surprend, c'est qu'ils étaient beaucoup, donc ils auraient pu s'entraider. Allez, va chercher une corde, ou bien on fait la chaîne et puis on essaie de se tenir la main. C'est ça qui me surprend, que tous soient restés sur le bord, ça me paraît un peu particulier. Qu'ils se soient aidés entre eux, ou que, bon, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait payé les pompiers aussi. Déborah, les mots de ce jeune homme, il dit c'est facile pourtant de sauver quelqu'un. Et il rajoute, alors en version écrite cette fois, que chez lui, on lui a toujours appris à aider les autres. C'est facile de sauver quelqu'un. Mais je pense que quelque part, il a raison. On pense souvent aux agressions. Quand on voit quelqu'un se faire agresser devant nous, il y a aussi beaucoup de gens qui restent plutôt à regarder plutôt qu'à agir, alors que ça peut être très simple d'arrêter. Si tout le monde s'y met, la personne qui agresse forcément est surprise et n'agit plus. En tout cas, interrompt son acte malveillant. Et donc, du coup, je pense que si tout le monde s'y mettait, si tout le monde partait du principe que c'est facile de sauver quelqu'un, je pense que ça le deviendrait, effectivement. On demande un avis à Beaumont. Christophe est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. La Wallonie a un héros. Dimanche soir à Namur, Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Franchement, vous auriez pu le faire, vous? Je l'ai fait. Vous l'avez fait? Vous avez fait quoi? Je l'ai fait dans le début des années 2000. J'étais tout simplement parti me promener sur la commune d'Astière. Il y avait un centre de délassement où il y avait énormément de monde et... un papa de famille avait un petit peu trop bu, il a voulu faire la traversée de la Meuse et il se noyait. Et je suis allé les récupérer au fond de l'eau, je l'ai ramené sur le bord. Et, est-ce que vous êtes seul à ce moment-là? Christophe, vous êtes seul ou il y en a d'autres qui peuvent aider à ce moment-là? Oh ben il y en a d'autres parce qu'on est énormément de personnes. Moi je suis sur le bord de l'eau, je suis habillé complet, je perds mon GSM, je perds les clés de ma voiture et je ressors la personne de l'eau... parce que je la vois couler une fois, deux fois, et je vais le récupérer. Vous avez sauvé un homme de quel âge? Voilà, quoi. Vous avez sauvé un homme de quel âge? Il avait à l'époque, à mon avis, dans la quarantaine, quoi. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi je l'ai fait? Parce que mon instinct, tout simplement. Je me suis dit, il va pas revenir, il ne reviendra pas. Et je voyais ses enfants qui pleuraient, sa femme qui était en panique au bord de l'eau. Et sans réfléchir, j'ai plongé, je suis allé rechercher. Et pourquoi les autres n'ont pas eu votre instinct? Ben, je n'en sais rien, parce qu'ils étaient là pour faire la fête, pour s'amuser, pour se délasser. Et moi, je venais d'arriver, tout simplement. Je cherchais un endroit pour m'installer avec ma femme et mes enfants. Et voilà. Alors, vous êtes le héros wallon de l'année 2000 dans la région d'Astières. J'en reviens maintenant à notre conversation. Christophe, on verra si on peut aller plus loin dans la conversation tout à l'heure. Ce héros de dimanche soir à Namur, Yacine, 24 ans. Il est donc le seul à avoir sauté. Est-ce qu'il mérite quelque chose, Mathieu ? Parce qu'il a sauvé, il a eu le bravo de la police et le bravo des autorités criminelles. Mais est-ce qu'il mérite quelque chose ou l'histoire s'arrête là ? Bon, un héros, par définition, ne mérite rien, vu qu'il fait ça gratuitement pour l'autre, il ne fait pas ça pour lui. Donc, oui, ce qu'il peut mériter, il peut mériter un gros bisou de la mamie qui l'a sauvé. Et puis, merci, au revoir, et une boîte de chocolat. D'argent, pas de cadeau, pas de médaille. Les médailles, c'est du bidon. Vous souhaiteriez autre chose ? Une décoration wallonne ? Une reconnaissance publique ? Déborah, ou ça doit rester un geste anonyme ? Bon, c'est pas un geste anonyme, puisqu'il fait la une quand même de la presse. Mais effectivement, il mériterait un remerciement. Mais il n'a pas l'air de chercher quelque chose. Il explique juste son histoire. Parce qu'on est venu le chercher pour qu'il le fasse, mais je pense pas qu'il ait été en mode « je vais la sauver » pour recevoir quelque chose en échange ou être récompensé ou faire la une de la presse. La sous-question, c'est pourquoi personne n'y a été, évidemment. La Wallonie a un héros, dimanche soir à Namur. Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Honnêtement, est-ce que vous l'auriez fait ? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Et si vous nous racontiez les résultats de vos enfants à l'école, il n'y a pas que le CEB, est-ce qu'ils ont réussi ? Ensuite, le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. Et puis 10h45, la question qui dérange. 18% des étudiants qui travaillent pendant l'année ont un job d'étudiant, oui, mais un job au noir, qui n'est pas déclaré. Que risquent ces étudiants ? Que perdront-ils si on les détecte ? C'est vous qui dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Vivacité, la une présente, le Vous Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre, 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vousrire.be. Envie de vibrer, envie de fou rire, envie d'infos, envie de partager. Envie de rêver, envie de découverte, où, quand et comme vous voulez. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Commente l'actualité avec vous, bien sûr, en fonction de vos appels, un débat s'impose. Mathieu Ladevèze, La Dernière Heure, les sports, et Déborah Laurent, 7sur7.be. Et si vous nous racontiez le résultat de vos enfants, est-ce que ça a été leurs examens ? On a un seul élément à disposition, c'est cette statistique officielle qui concerne le CEB. 91% des élèves ont réussi le CEB. Ce qui est intéressant, c'est la moyenne. Donc en mathématiques, la moyenne est à 74%, 73% de moyenne en français, et sur les matières d'éveil, 79%. Voilà le résultat des enfants, donc en 6e primaire. En attendant vos résultats de primaire, de secondaire, quels sont les examens où vous avez fauté, pas fauté. Je voudrais qu'on commente ces résultats-là, alors avant des résultats plus précis. Déborah, 91% des élèves qui réussissent le CEB, votre commentaire là-dessus, ils sont calés, nos petits de 6e primaire ? Bah non, parce que je pense que c'est des épreuves qui sont adaptées à une grosse moyenne, donc je pense que c'est une évaluation. Il y a tellement d'enfants qui réussissent qu'on se demande justement si c'est vraiment si difficile, mais après, tant mieux pour eux, moi je suis contente, parce que je me souviens, j'ai quand même un souvenir les premiers petits guilis dans le ventre quand on passe le CEB, c'est quand même chouette de réussir, quoi. Ça fait plaisir à tout le monde, aux parents, aux enfants, donc... Un mot sur la moyenne de mathématiques. Donc en 6e primaire, la moyenne des enfants est de, je prends le chiffre exact, en matière de mathématiques, on est à 73% de moyenne. Est-ce que ça veut dire qu'avec ça, on est vraiment lancé pour le secondaire et qu'on est un petit matheux quand on a 73%? Non, je pense pas. Je pense que c'est une façon de voir un peu quel niveau général des petits élèves de 6e primaire en Belgique, en communauté française. Il est pas mauvais, 73% c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ah, vous trouvez pas que c'est un résultat extraordinaire ? 73% dans une branche, c'est pas extra. 73% de réussite en mathématiques, c'est ça, hein ? Non, 73% de moyenne. Ah, de moyenne. Ouais. Non, c'est pas mal, mais bon, c'est pas. Enfin, le niveau est pas très difficile. C'est pas quelque chose qui est fait pour que. C'est pas comme le bac en France où c'est vraiment tu passes pas, ta vie change. Là, c'est un truc vraiment pour estimer le niveau. Donc, ça valide 2 ans d'études, en fait, 2 ans de travail, 2 ans de cours. Donc, c'est des choses que les enfants connaissent. Donc, je pense pas qu'ils vont chercher la petite bête. Je suis bien sur la matière. Hein. 73% de moyenne. C'est un résultat bof, bof, bof. C'est pas extraordinaire, Déborah. Ouais, c'est bien, mais 73% en primaire, les secondaires, ça se complique, l'UNIF encore plus. Donc, ouais, moi, enfin, il faut tenir sur la longueur, c'est surtout ça. Donc, c'est bien, c'est pas mal, peut mieux faire. Après, c'est bien de réussir, il faut tenir sur la longueur, c'est surtout ça. Donc, c'est bien, c'est pas mal, peut mieux faire. Après, c'est bien de réussir. 5%, 90%. Bah, bon score, c'est 90%. Un bon score, moi, c'est 90%. Ça commence à être excellent à partir de 90%. Ok, 90% c'est votre 90%, seuil. C'est pas mal, c'est 14 sur 20. Quoi, c'est donc, correct. Déborah, face à un enfant, que ce soit en mathématiques, en français, en éveil, en géographie, peu importe, pour vous, c'est quoi le bon score? Bah oui, en primaire, je me dis 80% au minimum. Ah, vous êtes à 80% et Mathieu à 90%. On va demander un avis à Durbuy. Sonia est en ligne, bonjour. Bonjour. Et si vous nous racontiez le résultat de vos enfants, est-ce que ça a été leurs examens? D'abord, votre fils, il est en quelle année? Il vient de terminer son CEB. Alors, donnez-nous son score, puisque les résultats sont connus pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au pourcent près, je le saurai tout à l'heure avec son bulletin, mais on a pu consulter donc les CEB hier. Donc, il est à 78% en français, 82% en maths, et plus ou moins un peu plus haut, 82% pour éveil. 82% en maths, c'est un petit matheux, votre fils? Apparemment, c'est un peu dans la famille, oui. Ouais. C'est une matière que vous avez travaillée avec lui, où il a fait ce score-là tout seul? Il travaille essentiellement, mes enfants ont toujours travaillé essentiellement tout seul, parce que, je vais dire, les aider de trop, c'est pas non plus leur rendre un bon service, parce qu'on fait le travail à leur place. Donc, ils savent qu'on est là quand il y a un souci. Et ma deuxième a eu 100% en maths en 5e secondaire cette année. Ah, ça c'est une performance, 100% en maths, 5e secondaire. Dans le courant de l'année, oui. Je crois que c'est la première fois que son prof m'a dit qu'il mettait 100%. Malgré tout, je reviens à votre fils, puisqu'on a commencé par lui. 78% en français, il est un peu moins bon en français. Est-ce que pour vous, 78%, oui, ben, c'est une faille? Le français, non, c'est pas une faille. Je trouve que ça va, je vais dire, parce que... on ne peut pas être bon ni en français ni en maths, hein, c'est l'un ou l'autre, je veux dire, c'est pas toujours évident. Mais je trouve maintenant que c'est quand même assez complexe, je veux dire, tout ce qui est conjugaison, grammaire, enfin bon, il y a beaucoup de choses plus compliquées qu'en maths, je vais dire. Donc je suis contente avec le 78%. Sonia, vous mettez où votre seuil? Donc c'est quoi pour vous un bon résultat? Mathieu a dit bah, 90%, là je commence à trouver ça valable. Oui, ben, Déborah a dit moi, à 80%. Je vais dire un 8 sur 10, c'est bien, je trouve. Donc voilà, aux alentours de 80%, je trouve que c'est bien. À 8 sur 10, on peut commencer à discuter. Parfait, Sonia, vous êtes à Durbuy. Merci d'avoir parlé de votre fils et de votre fille. Avant d'autres résultats d'examen, je termine autour de la table avec Déborah et Mathieu. Quand on a un score, Mathieu, comme celui-là, donc comme le fils de Sonia, 78, 82, 82%, ce sont des chiffres qui sont faciles à maintenir en secondaire ou ça va être un gap et un challenge terrible? Non, il y a beaucoup plus de travail en secondaire, je pense. Bon, moi, je n'ai pas fait l'école en Belgique, mais en France, il y a une différence de niveau très, très, très importante, surtout de rythme de travail, d'études et de devoirs. Donc, c'est quasiment les vacances, le CEB, par rapport à ce qui va se passer en secondaire. Donc, c'est très, très bien d'avoir des bonnes notes, d'avoir des facilités comme l'enfant de Sonia, qui peut réussir sans beaucoup travailler, visiblement, parce qu'il va devoir passer en seconde, voire en troisième, en vitesse, je parle, quand il arrivera en secondaire, c'est un autre niveau. Donc on ne peut pas se dire avec des scores pareils, Déborah en 6e primaire, que c'est lancé pour le secondaire. Mais non, mais parce ça que finalement, quand même, le résultat sur papier, c'est une chose, mais après, on ne réussit pas dans la vie en fonction du 70, du 80, du 90. On peut passer avec 60% et cartonner après dans des études super qu'on a choisies et dans lesquelles on est passionné. Moi, je pense qu'il faut. Parce que voilà, imaginons, il y a des enfants qui nous écoutent, ils ont 75 et quoi, on est en train de leur dire qu'ils n'étaient pas assez bons. Ah, ben c'est chacun son seuil. L'intérêt, c'est d'avoir réussi. Donc moi, je les félicite. Ça veut dire qu'ils étaient concentrés. Le but, c'est de faire du mieux qu'on peut. J'imagine qu'ils l'ont tous fait à leur petit niveau. Et donc, ceux qui ont réussi dans l'absolu, bah, félicitations à eux. Jeu de rôle rapide. Vous êtes face à un enfant, Mathieu, qui fait un 6 sur 10 en français. 6 sur 10, pour vous, c'est un échec ou c'est autre chose? Vite fait, mais ça dépend. S'il a eu 6 sur 10 en ne faisant rien, c'est un échec, mais ça peut se travailler. S'il a eu 6 sur 10 en bûchant comme un dingue, là, il y a un problème. Donc, faut voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est la force du travail qui est importante. C'est-à-dire que là, ils démarrent avec un petit test qui est pas terrible, qui est peut-être important pour eux. Mais plus ils vont avancer dans leurs études, plus ça va être compliqué, plus il y aura beaucoup de travail et plus il faudra qu'ils se concentrent sur ce qu'ils vont devoir faire, c'est-à-dire étudier, travailler. Et c'est ça qui, c'est les vacances, hein, ce qu'ils viennent de faire. C'est... Face à un enfant, Déborah, qui a un 6 sur 10, vous lui dites retourne dans ta chambre, mon ami, ou 6 sur 10, c'est valable? Non, moi, c'est valable s'il a donné tout ce qu'il pouvait. On peut avoir des difficultés dans une branche et se faire encourager, se faire prendre des petits cours de manière plus ludique, peut-être pendant les grandes vacances. On peut lui expliquer, on peut l'accompagner. 6 sur 10, s'il a fait ce qu'il peut, je vais pas le gronder, quoi. Le but, c'est de stimuler son enfant et lui donner envie de faire mieux après. Être mauvais en français, ça n'a jamais empêché de réussir dans la vie non plus. Hein, donc, Alors parlez-nous des cotes de vos enfants, que ce soit en primaire, en secondaire ou à l'université. Est-ce que ça a été leurs examens? Et si vous nous racontez le résultat de vos enfants, pour l'instant, on a juste à disposition une statistique générale. 91% des élèves ont réussi le CEB en primaire. On attend maintenant les cotes de vos fils ou de vos filles. Dans un instant, troisième débat sur la table, le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. Est-ce que vous avez changé d'avis? Et puis la question qui dérange à 10h45. 18% des étudiants qui travaillent pendant l'année ont un job d'étudiant, mais au noir. Et c'est encore pire quand l'étudiant est mineur, il y a de plus en plus d'étudiants au noir. Que risquent-ils? On ne peut pas leur retirer leur chômage, ils ne l'ont pas. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Du vendredi 24 au jeudi 30 juin, à l'achat de deux articles édictés prix rouge, Espace Mode vous offre 30% de remise. Bonjour, c'est Jean-François Gilet. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Vivacité présente les 19e Tchafourni. Ces 2 et 3 juillet, troubadours, acrobates et poètes des temps modernes vous invitent au cœur d'Angie pour un voyage onirique et hors du temps à travers les arts de la rue. Entrée 2,50€, gratuit pour les enfants. Info ccangie.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Avenir et RTC Télé-Liège. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Avenir et RTC Télé-Liège. Hors 18 carats, une montre de qualité telle que Gucci, Michel Herbelin, une écoute et un service. Autant d'or au centre de Malmedy. Retrouvez-nous sur Facebook ou sur localizy.com. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Un nouveau smartphone? Ah oui, ça sonne bien, ça. Et une nouvelle robe? Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Une info incroyable. La DH double la durée de votre abonnement. Abonnez-vous maintenant 6 mois et recevez 6 mois entièrement gratuits. Oui, vous avez bien entendu, nous doublons la durée. Mais vite, vous avez 48 heures seulement. Offre valable uniquement ces 27 et 28 juin. Prêt à en profiter? Rendez-vous sur dh.be. Offre soumise à condition. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Avec vous, on commente l'actualité ce matin en compagnie de Mathieu Ladevesse, La Dernière Heure, Déborah Laurent, 7 sur 7.be. Et ce sondage maintenant qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier que personne ne voulait. Que dit le sondage Dernière Heure Dedicated à Ressources? Que 70% des Bruxellois veulent ce piétonnier, d'ailleurs surtout les jeunes. Il y a fracture entre les générations. Les plus de 55 ans ne sont que 34% à le vouloir, alors que les 18-34 ans sont 51% à le vouloir. Est-ce que vous avez changé d'avis? 70%. Votre commentaire général, Déborah, sur ce retournement de situation. C'était le plus mal aimé des piétonniers, l'objet de toutes les polémiques, et voilà que les Bruxellois le veulent. Qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, j'ai pas changé d'avis. J'étais pour, mais je trouve toujours que ça a été fait n'importe comment, vite fait, mal fait, et qu'il y a des travaux à faire. Il y a des. Je pense qu'il y a un vrai problème de mobilité parce qu'on ne sait plus y accéder. Moi, je n'ai jamais réussi à accéder au parking. Je tourne en rond autour de ce piétonnier. C'est pas du tout bien indiqué, et ça, il faut que ça change. Ah, que dit le sondage ? Il n'y a pas une majorité tonitruante qui veut bouleverser le périmètre. Non. Est-ce qu'on doit lire ce sondage, Mathieu, comme une déclaration d'amour enfin aux piétonniers de Bruxelles ? Mais je pense que c'est surtout les médias qui, à l'époque, les espèces d'élites médiatiques, qui ont flingué ce piétonnier. Ça a été monté très rapidement à la vague que je te pousse par Yvan Maillard, ça c'est certain. Un peu trop vite, très très mal communiqué, on est d'accord. Mais je pense que les gens étaient plutôt d'abord curieux, en effet un peu craintifs, parce que c'est quoi ce truc, on va nous bloquer le centre-ville. Mais dans les gens qui vivent dans le centre-ville, je ne parle pas des commerçants, des gens qui vivent, des habitants de l'hyper-centre-ville sont au paradis. Contrairement à Déborah, je ne suis pas d'accord, on se gare très très facilement dans la ville. Ce n'est pas très bien indiqué, mais il suffit de connaître un petit peu. Ah oui, mais quand parkings. On ne connaît pas, on ne sait pas y accéder. On regarde sur Google Maps, on a un GPS, non, on se débrouille. Non, quoi, le GPS n'est pas à jour, Google Maps n'est pas à jour. Donc moi, je n'ai jamais eu de problème pour me garer dans le centre-ville, ça roule super bien. Donc pour moi, ça a toujours été une bonne idée. Et je pense que les vrais Bruxellois estimaient que c'était une bonne idée. Donc ce sondage, pour moi, il n'est pas si surprenant que ça. C'est enfin la parole aux vrais Bruxellois sans mensonge. Contrairement à ce qu'on a pu dire plusieurs fois quand Yvan Maillard a sorti des études qu'on a relayées, où on a dit oui, les chiffres sont mensongers, etc. Non, c'est bien. Et c'est un pari sur la jeunesse. Je suis désolé, il a raison, Maillard. Il parie sur la jeunesse bruxelloise, la moitié de la population à Bruxelles a moins de 25 ans, je pense. Voilà, il a raison. Ah, c'est une fracture. Il y a une fracture, là, Déborah. Les jeunes l'aiment, les plus anciens ne le veulent pas. Alors, Yvan Maillard dit voilà, c'est bien la preuve qu'une génération ne veut pas revenir en arrière et que le piétonnier ringardise toute une génération qui a vécu avec sa voiture depuis 50 ans et qui ne comprend pas l'évolution de la ville. Il y a une fracture entre générations. Mais je pense que oui, je pense que le piétonnier, quelque part, c'est l'avenir. Pas un piétonnier comme ça, je le redis, mais un piétonnier à l'image de celui de Bordeaux, par exemple, qui est super agréable, c'est super vivant, il se passe plein de choses, il y a des vraies boutiques, parce que là, le piétonnier, pour le moment, c'est des snacks pita. Il paraît qu'à Bordeaux, Alain Juppé a dit à Yvan Maillard, tiens, c'est l'objectif à terme, c'est de remettre des belles boutiques, de faire un truc super classe, changer, tout changer. Ah, il dit non, il dit que l'artère commerçante, c'est la rue Neuve, pas le boulevard en Non, il y aura d'autres types de commerces, mais il y aura aussi des commerces, je pense qu'ils vont virer tous les kebabs, ça c'est certain. C'est anti-senior ce piétonnier, Déborah ? C'est anti-senior ? Non, je n'irai pas jusque-là. C'est juste qu'effectivement, il faut s'adapter. L'avenir, maintenant, il est sans voiture. En tout cas, dans Bruxelles, on est engorgé. C'est une bonne chose que finalement, on essaie de la supprimer. Mais de nouveau, à côté de ça, il faut que ça s'accompagne d'une meilleure mobilité générale dans les transports en commun, pas des transports qui s'arrêtent à 11h30 minuit. Enfin, il faut que tout change, quoi. Mais c'est lent. C'est anti-senior ? Mais je crois qu'il y a un message subliminal dans ce que dit Maillard, parce qu'il y va fort dans l'interview aujourd'hui. Il dit, entre autres, ce que vous aviez dit sur sa ringardise, les vieux qui venaient depuis leur voiture depuis 50 ans à Bruxelles. Bruxelles un peu provinciale et lente, c'est fini. Pour moi, la cible, c'est quoi ? C'est Uccle, c'est le MR de Reinders, quoi. C'est un peu le bon bourgeois de 50 ans qui vient avec sa grosse voiture en ville, qui s'arrête dans les beaux magasins en double fil ou sur le parking privé. Ça, il dit, c'est fini maintenant. Et donc, il y a un peu un message politique, c'est le Bruxelles que lui veut, que le PS veut à Bruxelles, c'est ça, contre le Bruxelles libéral, âgé, mobilisé dans sa grosse... Enfin, c'est caricaturel un petit peu, mais c'est un peu ça. Ah bon. C'est un peu ce combat-là, je crois. On va voir qui se présente à Audergame. Fabienne, en ligne, bonjour. Bonsoir, bonjour. Et donc, oui, c'est le matin, le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. Vous avez changé d'avis sur le piétonnier ? Mais non, j'étais toujours d'accord. En fait, moi, je suis tout à fait pour le piétonnier. Et je trouve que ça vaut la peine, mais ça a été un peu trop rapide, en fait. Il fallait préparer certaines choses et pas arriver d'un seul coup, quoi. Un an plus tard, maintenant qu'on est sorti des tourmentes, 70% disent « je t'aime ». C'est une déclaration d'amour ou pas ? D'amour. On est qu'au début et il faut que les gens soient attirés, il faut que des choses soient mises en évidence, il faut que les magasins soient attirants et puis et que vous fréquentez ce piétonnier ? Pardon ? Vous fréquentez ce piétonnier ? Ça m'arrive de temps en temps, mais je ne vais pas. C'est pas toujours pour le moment. Si vous voulez faire des courses là-bas sur place, c'est pas mis en évidence, je trouve. Pourquoi les plus de 55 ans ne l'aiment pas ? Les 18-34 adorent, mais les plus de 55 n'aiment pas. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une question de manière de voir les choses. Moi, j'en ai 50. Je prends le métro pour aller à la place. Puis c'est bon. Mais regardez la Grande Place. Il y a 50 ans, c'était avec des voitures. Aujourd'hui, c'est sans voiture. C'est vachement plus joli, quoi. Ah ben, ça serait exactement la même chose au centre-ville. Ça vaut la peine. Il faut le mettre en évidence, quoi. Et puis, il y a les gens qui arrivent de l'étranger. Je dis non. Mmh. En dehors de Bruxelles, ils pourraient venir, mais ils savent même pas où parquer leur voiture. Quelquefois, on voit des voitures. Moi, je trouve ça complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, vous le connaissez. Mais sans y aller de manière considérable, à 50 ans, vous êtes plutôt favorable sans avoir changé d'avis. Je termine rapidement autour de la table. Un an plus tard, parce que le piétonnier a un an, rapidement, c'est apaisé, Mathieu ? On est sorti de la tempête sur le piétonnier ? Oui, je pense que ça va être de plus en plus accepté. Ouais. Et avec les aménagements, oui, c'est bon, c'est parti maintenant. Déborah, on est sorti de la tempête ? Je pense qu'en tout cas, le sondage est un petit coup de pouce, un petit coup de pied aux fesses positif, quoi. Donc du coup, maintenant, c'est voilà, on veut bien, mais faites-en quelque chose de bien. Déborah Laurent, Mathieu Ladevez, bonne journée, messieurs, dames. Bonne journée. Merci, bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. La Wallonie a un héros dimanche soir à Namur. Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Est-ce que vous l'auriez fait, franchement? Et si vous nous racontiez les résultats de vos enfants? Ça a été leur examen. À disposition pour l'instant, juste les chiffres du CEB. Taux de réussite 91%. Et puis le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. 70%, est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis? 070-233-466 et par SMS au 3063. Nous sommes à Namur. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour. C'est la mi-temps dimanche soir du match Belgique-Hongrie. Yacine, 24 ans, voit cette dame qui se noie et il y va. Il enlève ses vêtements et il y va. Honnêtement, vous l'auriez fait? Ouais, moi je l'ai fait en tant que pompier ambulancier. C'est normal, c'est humain. Dans quel cadre vous l'avez fait? Mais j'étais ambulancier, on était appelé sur une intervention, une dame qui se noyait, et quand j'ai vu qu'elle sortait pour prendre de l'air, donc elle était toujours vivante, les plongeurs n'étaient toujours pas là, ben j'ai retiré mes vêtements, j'ai plongé, j'ai été la rechercher. C'était où? Et c'était en dessous du pont des Ardennes, à Namur. Juste un mot, Pierre-Yves, vous êtes un professionnel en intervention. Ici, Yacine, c'est un jeune homme, permettez-moi l'expression, un bête jeune homme, qui fête son anniversaire, qui est à la mi-temps d'un match de foot, il va se chercher à manger. C'est pas un professionnel, il y va. Ça demande un courage incroyable ou pas? C'est un courage incroyable parce que je tiens à dire au monsieur qui était avec vous que 10 mètres dans un fleuve pour sauver quelqu'un, c'est énorme. Ah, il a dit, Mathieu, 10 mètres, c'est pas énorme, hein, nager 10 mètres. Bon. Non, c'est énorme quand vous tirez quelqu'un qui se noie, c'est franchement énorme. 10 mètres, c'est énorme, même en sachant très bien nager. Moi, le problème qu'il y a eu, c'est que quand je suis rentré, j'ai pas eu de médaille. Je me suis fait engueuler par le commandant. Ah, vous avez outrepassé vos droits. Dans ce cas-ci, on est dimanche soir, il y a du monde à Namur, ouais. J'imagine. C'est le jour du match. Et tout le monde regarde depuis le bord et personne n'y va. Qu'est-ce qui se serait passé si ce petit jeune homme n'y avait pas été? Eh ben, la dame, elle se noyait. Parce que le temps que les pompiers arrivent, elle se noyait. Et je suis désnoyé. Parce que le temps que les pompiers arrivent, elle se noyait. Et je suis désnoyé. Et c'est anormal qu'il n'y ait pas au moins 5, 6 ou 10 personnes qui aient plongé ou qui aient fait une chaîne ou je ne sais pas. Pourquoi ils n'y ont pas été, les autres? Pourquoi les Namurois, ils n'ont pas plongé? Parce qu'on vit dans un monde d'égoïstes. C'est des égoïstes ou des lâches? Je pense que ce sont des égoïstes. Ils pensent plus à s'amuser que... Vous savez, le malheur des gens, ça n'intéresse personne. Mais donc, Pierre-Yves, les Namurois auraient laissé mourir cette femme? Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne vous aurait pas étonné. C'est un professionnel qui le dit, puisque vous êtes ambulancier. Merci de nous avoir rejoints. RTBF Mobile Info, maintenant. Stéphane. Dernier ralentissement en direction de la capitale sur le 411 qui vient de Namur. Entre Overijse et Léonard, il faut ajouter un quart d'heure. 15 minutes supplémentaires également sur le 40 qui vient de Gand, entre Ternat et Grand Bigard. Bonne nouvelle, c'est la fin de l'accident sur le ring à hauteur de Wemel en circulation intérieure. Par contre, on perd encore beaucoup de temps, notamment en circulation extérieure entre Ytre et le carrefour Léonard, plus 36 minutes. Une vingtaine de minutes en circulation intérieure entre Ytre et Grand Bigard. Une vingtaine de minutes également à ajouter au temps de parcours entre Grand Bigard et Zaventem pour ce qui est de la circulation intérieure du ring. Et toujours cet accident impliquant un camion à Laeken, un peu après le pont Van Praat. La bande de droite est toujours bloquée, il y a des files vers Mézières. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, à Molenbeek, Vera viendra nous dire si elle a changé d'avis sur le fameux piétonnier de Bruxelles. 70% des Bruxellois le veulent. Ça contredit tout ce qu'on avait dit. Acte Intérim Verviers, depuis 20 ans, créateur d'expérience. Et pour vous, que pouvons-nous faire? Actuellement, Acte Intérim recherche un opérateur de production. Acte Intérim, rue des Écoles à Verviers. Acteintérim.be. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent ce jeudi 30 juin un supplément gratuit sur le Tour de France. Plus de 30 pages pour tout savoir sur les équipes, les coureurs, les étapes et les principales difficultés de la Grande Boucle. C'est ce jeudi 30 juin et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hola, c'est Yoni Vidal. Avec mon groupe Estrella, ce samedi 2 juillet à Tournai, nous allons vous faire danser sur des rythmes latinos. Et Polo et Grand Georges seront également au rendez-vous. Hasta pronto, amigos. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 2 juillet à Tournai. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Alors revivez l'étape de Tournai comme si vous y aviez participé avec, en tête de peloton, une enfant du pays, Esmeralda Labi. Elle nous fera redécouvrir la cathédrale aux cinq clochers enturbanés, chef-d'œuvre architectural de l'Occident médiéval, comme le Beffroi et le Pont des Trous. Ce dimanche, après le JT de Trésor, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Hola Díaz, garagisto. Mi air conditionnas es no funciona. Condicionas? El erco, sí. Escasos. Ah, erco casos. Yo Miguel. Non, rien. On va se débrouiller. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Et si vous nous racontiez le résultat de vos enfants, ça a été leurs examens en primaire, par exemple, 91% des élèves ont le CEB à ce propos. Et à ce propos, pour Magali de Linsan, elle m'a dit les résultats de son fils qui a passé le CEB, 82% en français, 93% en maths et 89% en sciences. Alors son fils n'a pas ouvert une seule fois ses fardes, juste une simple préparation à l'examen avec l'institutrice. Donc elle a revu les CEB des années précédentes, de 2014 à 2015. Et au final, eh bien, Magali explique qu'elle n'a jamais été aussi cool pour des examens de fin d'année. Elle n'a pas du tout stressé pour son fils et lui non plus n'était pas stressé. Elle explique que c'était peut-être même trop cool, donc pour elle ce n'est pas normal qu'un examen comme le CEB soit aussi facile et qu'il récolte un aussi grand taux de réussite. Alors Magali n'hésite pas à parler de nivellement par le bas. C'est vous qui le dites à Molenbeek. Vera, bonjour. Bonjour. Le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur les piétonniers. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. 70%, ça veut dire que vous avez changé d'avis? Non, parce que moi, je ne suis pas dans la catégorie jeune, donc... Vous avez quel âge, Vera? 80. Mais pourquoi vous détestez ce piétonnier, alors? Il paraît que les seniors n'en veulent pas. Pourquoi? Justement, premièrement, il est beaucoup trop grand. Deuxièmement, quand on est dans le piétonnier, il n'y a pas beaucoup d'accès au point de vue mobilité, bus, etc., etc. Par exemple, en Anvers, il y a aussi un grand piétonnier, mais on sait y accéder. Il y a énormément de parking tout autour. Vera, Yvan Mayer vous parle et dit ce piétonnier ringardise toute la génération qui a vécu avec sa voiture depuis 50 ans et qui ne comprend pas l'évolution de la ville. C'est vous, ça? Ouf, je prenais souvent les bus pour aller dans le centre, mais eh bien, un exemple, on ne sait plus aller à la place de Brouckère, puisque le bus part dans l'autre sens, il faut faire le tour complet, un arrêt à la gare centrale, pour revenir à la place de Brouckère. un exemple. C'est très mal organisé. Vera, les jeunes, ils disent pas comme vous. Les jeunes, globalement, bien sûr, il y a peut-être 2-3 problèmes ponctuels, mais les jeunes, ils disent « j'aime ce piétonnier, je veux le garder ». Pourquoi les jeunes veulent le garder, eux ? Bon, parce qu'ils ont, ils sont beaucoup plus mobiles, donc il n'y a aucun problème. Moi, j'entends très bien que des personnes âgées ou moins âgées ne vont plus boire leur café dans le centre de la ville parce que c'est difficile pour atteindre. Donc, ce n'est pas la bataille des générations, c'est la bataille des valides et des moins valides. Oui, exactement, je trouve cela. C'est ça le piétonnier aujourd'hui, la bataille des valides et des moins valides. On verra si vous souhaitez entrer dans la conversation tout à l'heure avec votre âge, évidemment. Lundbeck, merci Vera. Nous allons à Namur maintenant. Louise en ligne, bonjour. Bonjour. Et si vous nous racontiez le résultat de vos enfants, est-ce que ça a été leurs examens ? On a juste à disposition pour l'instant une statistique globale pour le CEB. Votre fille est en quelle année ? Oh, ma fille, elle a fini sa carrière depuis longtemps, mais c'est pour vous dire qu'au niveau du CEB, ça commençait. Et les examens la stressaient très fort, tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Et bon, elle a terminé tout, son CEB, avec 70%. Donc c'est vrai que j'ai un peu réagi comme votre collègue en disant « Ouah, ça c'est pas assez, ça va pas aller ». Eh bien, elle a fini à l'UNIF et maintenant elle est directrice des ressources humaines. Et donc pour vous à l'époque, alors replongeons-nous en arrière parce que je découvre votre profil. Louise, en arrière, 73% ou 74% en maths, c'était pour vous un bon score ça à l'époque ou c'était faible ? Non, c'était faible, ça me faisait peur, ça m'a fait peur. Mais il ne faut pas faire des critères de sélection parce que les enfants, les examens, le CEB, ça se passe dans une école en général, avec des profs différents, avec des... C'est minuté, donc ils n'ont pas l'habitude, donc ils sont stressés. Mais c'était quoi un bon résultat pour vous ? Donc face à un examen, c'était quoi un bon score ? C'est 90% comme Mathieu tout à l'heure ? Bah, bien sûr, parce que toute l'année, elle avait mes enfants, toute l'année, même mon fils, il avait 85, 87, et puis clac, au CEB, on descend. Bon, et puis alors, bon, bah, c'est vrai que c'est effrayant de se retrouver face à des profs qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai même aussi passé, à l'époque, ça s'appelait les examens cantonaux, mais c'était la même chose que le CEB. C'était dans une école différente que la nôtre, avec des enfants autour de vous que vous ne connaissez pas. Donc, ça vous stresse. Donc, il ne faut pas en faire un cliché et se dire, clac, ils sont foutus parce qu'ils n'ont que 70%. Louise, il y a plein de parents qui récupèrent en ce moment les bulletins de leurs enfants et qui voient les points cours par cours. Quand on a, je prends l'exemple des vôtres, quand on a 85% dans une matière, c'est parce qu'on a travaillé, étudié ou parce qu'on a un don et une facilité ? Non, c'est parce qu'on a travaillé, mais il y a quand même à la base un entourage et un don. Mais c'est parce qu'on a travaillé et qu'on est entouré pour travailler. Moi, je suis désolée, mais il faut être entouré pour travailler. Parce que maintenant, moi, j'ai des petites filles. J'ai une petite fille de 18 ans qui est en réto. Quand elle a des problèmes pour travailler, parce que maman n'est pas là, parce que maman travaille, eh ben, on vient travailler chez mamie. Ils ont besoin d'être entourés. Ma petite fille, l'autre petite fille, elle va entrer en cinquième avec le grand bazar, elle a tout réussi. Mais si on les aide pas, si on les entoure pas, ils n'ont rien à faire. Ils ont Louise, pas joué, ils ont... en français, quand on est devant un enfant qui a 6 sur 10, on dit quoi ? On dit que c'est un échec ou 6 sur 10, ça va ? Non, moi je dis tu te secoues. Ah, tu te secoues. À 6 sur 10, on se secoue. 85-87%, la moyenne de vos enfants à l'époque quand ils étaient en primaire, de votre fille, en l'occurrence, qui est donc devenue grande directrice. On va marquer une nouvelle pause et puis nous allons à Oupey dans un instant. Léo Rico nous dira si lui aussi aurait pu être un héros de Wallonie. Dimanche soir, à Namur, Yacine, 24 ans, a vu la dame se noyer. Et il y est allé, lui. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vendre ce que vous n'utilisez plus sur un site de petites annonces ? Qui vous dit que vous serez payé ? En vendant dans un magasin Cash Converters, vous êtes certain d'être payé. Cash et tout de suite. Qui dit mieux ? Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. Cashconverters.be. Et aux 0,70-233-466 sur la table, Marion Lecon. Sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout des jeunes. 70%, est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis à ce propos? Et à ce propos, pour Patrick Dorbet, eh bien oui, lui, il a changé d'avis. Le piétonnier a pris tout son sens depuis que la place de la Bourse s'est transformée en mémorial pour les attentats du 22 novembre. Alors, Patrick habite à 30 minutes de Bruxelles en voiture et il travaille à la capitale, donc il fait tous les jours les trajets en voiture. Et au début du piétonnier, eh bien, il était assez hostile, car justement, à cause de ce piétonnier, son temps de voyage s'est rallongé. Il prenait beaucoup plus de temps et donc ça l'a énervé. Il n'était pas content. Et puis, une fois qu'il y a eu les attentats et que la place de la Bourse s'est transformée en mémorial, eh bien, Patrick s'y est rendu. Il s'est rendu pour se recueillir et c'est à ce moment-là qu'il a compris, eh bien, que c'était important d'avoir un tel espace en plein cœur de la ville. Aujourd'hui, il ne veut plus qu'on touche au piétonnier. Il le considère d'ailleurs comme le cœur de Bruxelles, le cœur de la capitale européenne. Où paye? Léo Rico est en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. La Wallonie a un héros, dimanche soir à Namur. Yacine, 24 ans, est à la mi-temps du match. Il va chercher à manger. Voit une dame qui se noie, tout le monde regarde et personne n'y va. Cette dame a 61 ans. Honnêtement, est-ce que vous l'auriez fait? Vous auriez plongé? Sans hésiter. Vous avez déjà plongé pour sauver quelqu'un? Plonger, c'est beaucoup dire parce que j'étais déjà à l'eau quand ça s'est passé, mais oui. Vous nous expliquez où vous avez sauvé quelqu'un, Léo Rico? J'étais en Bretagne en vacances et j'étais en train de nager dans l'océan un peu hors des limites permises. Il y avait quelques personnes autour de moi et à un moment donné, une dame a appelé au secours. Elle était en train de se noyer, je pensais, à ce moment-là. Vous y allez? Personne ne réagissait. Je suis directement allé vers la personne et j'ai réagi. Vous avez nagé combien de mètres pour aller jusqu'à la personne? 15-20 mètres. Pas beaucoup plus, mais on était hors limite, on n'avait pas pied. Il y avait beaucoup de courant et j'ai tant bien que mal essayé de la ramener vers le rivage. Et j'y suis arrivé, enfin, jusqu'au moment où on l'avait pris, j'ai pu lâcher une prise. Léo Rico, à ce stade, je stoppe l'histoire pour vous ramener à Namur dimanche soir en bord de Sambre. Parce que vous étiez dans l'eau à proximité d'eux. Là, il y a un jeune homme qui se déshabille, qui y va. Pourquoi les gens qui regardaient, ils plongent pas? Pourquoi les gens, ils disent juste « Madame, venez, venez », alors qu'on voit bien qu'elle n'y arrive pas? Pourquoi les gens n'y vont pas? Bon, parce qu'on vit dans un mode d'égoïste, peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le chacun pour soi. Oui, mais face à ça, il y a une dame qui est en train de mourir. Donc il y a des gens, à Namur, qui regardaient une femme mourir. Ben oui, il y a des gens que ça ne touche pas. Moi j'aurais même pas pris le temps de me déshabiller. Montre ou pas montre, portefeuille, pas portefeuille, je saute, quoi. Est-ce qu'à votre avis, c'est compliqué de nager une dizaine de mètres dans la Sambre un dimanche soir à Namur? Peut-être compliqué, mais on n'y réfléchit pas. On saute et au péril de sa vie, on essaye de sauver la personne. On ne pense pas à tout ça, ça se passe très vite dans votre tête. Ce jeune Yacine, il peut donner des leçons aux autres ou on ne donne pas de leçons? Chacun est libre de plonger ou de ne pas plonger? Non, il a donné une leçon, mais ce n'est pas nécessaire d'en donner. Il a donné une leçon, mais ce n'est pas nécessaire d'en donner. Tout est dans la nuance de langue française, alors Léo Rico. Merci de nous avoir rejoints à Oupey. Astière, maintenant, est en ligne. Pauline, bonjour. Bonjour Benjamin. Votre fils a 12 ans. Et si vous nous racontiez les résultats de vos enfants, ça a été leurs examens. Maintenant qu'on a les résultats généraux de la communauté française pour le CEB, votre fils 12 ans, combien il a eu en maths? En maths, 95,7. En français? 96. Et en éveil? 99. 99 en éveil. Votre fils, c'est un petit talent? Il a une facilité à l'école ou il a bossé? Tout ensemble. Ce résultat, vous y êtes habitué ou c'est rare qu'il ait... Il a toujours d'excellents résultats, oui. Ça vient d'où cette facilité en maths, par exemple, 95%? C'est quasi 100, hein? Oui, il travaille. Il travaille et il a une tête bien faite. Est-ce qu'il peut, dans ces branches-là, s'améliorer sur quelque chose ou c'est pas possible? C'est pratiquement le maximum, mais on ne peut pas exiger plus. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous lui dites alors quand il vient avec les points et le bulletin? Parce que d'autres ont dit « continue comme ça mon ami » ou « reprends-toi » ou « courage ». Vous lui dites quoi? Je lui dis « félicitations, je suis vraiment fière de toi, tu as bien bossé, tu es récompensé ». Est-ce qu'avec un score pareil, vous avez l'impression qu'on... Est-ce qu'avec un score pareil, vous avez l'impression qu'en niveau, 95 en maths, 96 en français... Ben, j'ai l'impression, oui, mais ce n'est pas que grâce au score ici, c'est grâce à son assiduité, à son amour de l'apprentissage. 6 sur 10, un fils qui revient avec 6 sur 10, c'est un échec ? Ben, le mien, sans frein, mais d'autres travaillent beaucoup pour avoir ce résultat-là, donc non, ce n'est pas un échec, ça dépend du niveau de l'enfant, ça dépend du travail qu'il fournit. Un 6 sur 10, ce n'est pas un échec, avez-vous dit, il faut analyser la quantité de travail, Pauline. 95% en maths, waouh, belle fin d'année. Nous sommes à Jette maintenant, Chantal, bonjour. Oui, bonjour. Le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. Vous avez changé d'avis, vous, sur le piétonnier ? Non, non, depuis le départ, moi, je suis pour le piétonnier. Pourquoi il y a une fracture entre générations, des jeunes qui disent oui, oui, oui, et des seniors qui disent non ? Je crois que c'est parce que c'est peut-être la facilité d'être avec sa voiture. On est très dépendant de sa voiture. Voilà, donc les gens ont peut-être un peu peur d'abandonner tout ça et de prendre les transports. Donc Yvan Mayer a raison de tacler cette génération qui a vécu avec l'usage de sa voiture et qui ne comprend rien à l'évolution de la ville. Il a raison de les tacler. Oui, je trouve. Un an après, ce sondage dit que 70% des Bruxellois le veulent. C'est fini la tempête, alors maintenant à Bruxelles, sur ce piétonnier, c'est fini ? Non, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens contre, ça c'est clair. Vous y allez à quelle fréquence dans ce piétonnier ? 2-3 fois par mois. On y voit plus de jeunes que de seniors ? Je n'ai jamais fait attention, donc... Quel âge avez-vous, oui, Chantal ? Oui, il y a beaucoup de jeunes, 57. 57, vous êtes donc dans la génération qui, d'après la statistique, est un peu hostile. Ce n'est pas votre cas. Quelle est la conversation que nous mènerons ? Rendez-vous après les infos. UEFA Euro 2016. Plongez dans l'ambiance avec diversité. Vibrez avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des Diables, nos invités, nos analyses. Et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauvrie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauvrie.com. La Beauvrie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vous écoutez Viva, il est 10h. Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Je suis toujours en vie, c'est la plaisanterie de la reine Elisabeth II. En visite en Irlande du Nord, une remarque qui fait référence au séisme provoqué par le Brexit au Royaume-Uni. Si la reine plaisante, les dirigeants européens, eux, auront moins le sourire aujourd'hui. Ils se réunissent à Bruxelles pour le premier sommet depuis le référendum. Un Brexit qui va occuper les discussions si le Britannique David Cameron ne demandera pas officiellement la sortie de l'Union européenne aujourd'hui. Les 27 autres pays, eux, veulent lui signifier qu'il faudra le faire rapidement. Faudra-t-il reporter des opérations dans les hôpitaux d'ici quelques semaines ? C'est l'inquiétude de l'association belge des anesthésistes. Elle tire la sonnette d'alarme. La firme pharmaceutique GSK a pris du retard dans sa production. Conséquence, eh bien, des hôpitaux européens pourraient se retrouver sans produits anesthésiants. La Belgique pourrait être concernée, mais... pas de panique, il n'y a pas de pénurie chez nous pour l'instant. C'est ce que clame l'Agence fédérale des médicaments. Et au cas où, elle cherche des solutions pour éviter le problème. Les sodas ont toujours leur place dans le frigo des Belges, même si depuis 6 mois, ils coûtent quelques centimes plus cher à cause de la taxe imposée par le fédéral. Son objectif à cette taxe, eh bien, c'était d'inciter les Belges à consommer plus sainement, mais rien n'y fait, les ventes ne chutent pas. Seul changement, la façon de les acheter. Pour alléger son portefeuille, le Belge se tourne soit vers les produits sans marque, soit vers les produits vers les pays étrangers, où le prix des boissons sucrées est plus bas. Vous pouvez à nouveau le visiter, ses portes devraient rouvrir d'ici quelques instants. L'Atomium est donc à nouveau accessible, il était fermé depuis jeudi dernier à cause des dégâts laissés par les intempéries de la semaine dernière. Les installations électriques avaient été inondées. En tennis, c'est Alison Van Uytvanck qui représente la Belgique aujourd'hui sur le gazon de Wimbledon. La joueuse affronte pour ce premier tour la Britannique Tara Moore, 227e mondiale. Si elle gagne, elle sera la troisième Belge à se qualifier pour le deuxième tour. Elle rejoindra donc David Goffin et Kirsten Flickens. La météo, du temps sec pour aujourd'hui avec toujours des nuages dans le ciel, mais le soleil va faire son apparition. Côté température, eh bien, elles seront comprises entre 17 et 20 degrés. Et tout de suite, on va faire le point sur vos conditions de circulation. Il y a déjà des embarras du côté du sommet européen, Stéphane Piedboeuf. En tout cas, il y en aura à partir de midi. Les tunnels Reyers vers le centre et les tunnels Montgomery seront fermés à la circulation. Et puis dès 13h30, c'est carrément tout le quartier Schumann qui sera fermé à la circulation en voiture. Par ailleurs, si vous devez emprunter le métro, sachez qu'il sera inaccessible à Schumann. Il ne s'arrêtera pas en cette station. Par contre, le train, la SNCB, la gare Bruxelles-Luxembourg restera desservie normalement. Les lignes bus Stib et Deline qui passent habituellement par le périmètre Schumann seront également déviés, secteur à éviter jusqu'à demain soir. Donc, pour rejoindre Bruxelles, 20 minutes supplémentaires sur le 40 qui vient de Gand. Vous ralentissez depuis Ternat jusqu'à Grand Bigard. Moins de 10 minutes sur le 411 à présent entre Overijse et le carrefour Léonard. Sur le ring, ajoutez une vingtaine de minutes pour la circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard. Et pour ce qui est de la circulation intérieure, c'est 20 minutes supplémentaires également entre Ittre et Grand Bigard. Et puis, difficile aussi de vous rendre à Lille aujourd'hui suite à ces travaux sur le 429, halte tournée Lille. C'est le chantier entre Quin et La Main dans les deux sens de circulation et ça coince particulièrement en direction de Lille ce matin avec des répercussions également sur le 403 qui vient de Bruges où il y a des files sur 5,5 km et 45 minutes supplémentaires. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est vous qui le dites, c'est reparti jusqu'à 11h, toujours avec Benjamin Maréchal. Merci Yasmina, et la rédac revient à 11h. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Notre rendez-vous à 10h45 avec la question qui dérange. 18% des étudiants qui travaillent pendant l'année ont un job d'étudiant, mais au noir. Et c'est parmi les étudiants mineurs que la proportion de noirs est la plus forte, 30% d'étudiants sans contrat. D'où la question qui dérange ce matin. Est-ce que ces étudiants risquent quelque chose? On ne peut pas leur enlever leur chômage. Ils n'ont pas le chômage. Est-ce qu'ils risquent quelque chose en matière d'allocation familiale? D'où viennent ces chiffres? Ils viennent d'une enquête de Randstad. 54% des étudiants travaillent pendant l'année et pendant les vacances scolaires. Et donc 18% de ces étudiants travaillent sans contrat. Mélanie, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, et la piste, c'est d'aller voir du côté de Randstad pour voir s'ils peuvent nous dépeindre un portrait un peu plus précis de ces étudiants jobistes. Le risque, que risque-t-il? Vous avez peut-être à la maison un étudiant qui travaille au noir, ou vous avez déjà utilisé des étudiants au noir. Essayez d'influencer la conversation en nous soufflant les bonnes questions dans l'oreille. C'est via Marion Standard. Et Florence Anzunel trouve que les étudiants qui travaillent au noir ne devraient pas être punis, car généralement, eh bien, ils le font contre leur volonté, explique Florence. Les étudiants mineurs sont naïfs, facilement manipulables par les patrons. Ils n'ont pas d'expérience professionnelle et n'osent pas faire de remarques à leur boss. Alors Florence, elle a déjà travaillé au noir quand elle était étudiante. Elle avait 16 ans, elle travaillait dans une boulangerie et son patron lui promettait un contrat chaque week-end mais ne lui a finalement jamais donné. Florence, eh bien, elle n'osait rien dire tout simplement parce qu'elle avait peur de perdre sa place. Les mineurs facilement influençables et manipulables comme circonstance atténuante, c'est la remarque que Florence vous fait, Benjamin. Nous sommes à la veille de l'été, voilà pourquoi ce chiffre a toute son importance. 18% des étudiants qui travaillent pendant l'année ont un job d'étudiant mais au noir. Et c'est parmi les étudiants mineurs que la proportion de noirs est la plus forte. Est-ce que ces étudiants risquent quelque chose? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. La Wallonie qui a un héros. Dimanche soir, à Namur, Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Est-ce que vous l'auriez fait, honnêtement? Et si vous nous racontiez les résultats de vos enfants, ça a été leurs examens en primaire par exemple, 91% des élèves ont réussi le CEB avec une moyenne de 74% en mathématiques, 74% en maths. Et puis le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. 70% des Bruxellois le veulent, surtout les jeunes. 70%. Loin dans le débat sur ce héros de 24 ans qui a sauvé une dame de 61 ans de la noyade dans la Sambre à Namur. Est-ce que vous, vous auriez fait pareil? C'est la question que l'on vous pose ce matin. Noyade dans la Sambre à Namur. Est-ce que vous, vous auriez fait pareil? C'est la question que l'on vous pose ce matin. Cine fête son anniversaire au centre de Namur. C'est le jour de ses 24 ans. C'est aussi le jour de ce fameux match Belgique-Hongrie. Nous sommes à la mi-temps du match et Yacine va se chercher à manger près de la maison de la culture. On est donc près de l'eau. Quand tout d'un coup, il voit une dame qui est dans l'eau, qui est en train de se noyer. Au bord, plusieurs spectateurs qui crient « Venez madame !»« Venez madame !» Mais personne ne plonge. Alors Yacine raconte dans la Meuse de ce matin qu'il a enlevé ses vêtements. Il a sauté dans l'eau. Il a nagé une dizaine de mètres pour rejoindre la dame. En 2 minutes seulement, et grâce à lui, uniquement grâce à lui, Dominique, 61 ans, était sorti de l'eau et sauvé. Au micro de Sud Presse, voilà ce qu'a dit ce jeune héros du comportement des spectateurs. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont vu la dame là-bas, et personne ne bouge. C'est quoi ça? Tout le monde a vu la femme là-bas, et personne ne bouge. Pour sauver quelqu'un, c'est facile, c'est pas difficile. Il faut un peu de courage, si tu veux. Il a vu beaucoup de personnes, mais personne n'a bougé. C'est quoi ça, dit-il. Yacine qui est convaincu que même en hiver, il aurait plongé, car on lui a toujours appris à aider les autres. Est-ce que vous, vous auriez pu? À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais, moi, je l'ai fait en tant que pompier ambulancier. C'est normal, c'est humain. J'étais ambulancier, on était appelé sur une intervention, une dame qui se noyait, et quand j'ai vu qu'elle ressortait pour prendre de l'air, donc elle était toujours vivante, les plongeurs n'étaient toujours pas là, ben, j'ai retiré mes vêtements, j'ai plongé, j'ai été la rechercher. Ici, Yacine, c'est un jeune homme qui fête son anniversaire, qui est à la mi-temps d'un match de foot, il va se chercher à manger. C'est pas un professionnel, il y va. Ça demande un courage incroyable ou pas? C'est un courage incroyable parce que d'y mettre dans un fleuve pour sauver quelqu'un, c'est énorme quand vous tirez quelqu'un qui se noie. C'est énorme. 10 mètres, c'est énorme, même en sachant très bien nager. Alors, vous connaissez l'eau, vous connaissez la rivière. Est-ce que nager 10 mètres dans la Sambre, c'est une performance ou pas? Être un petit jeune homme, un soir d'anniversaire qui n'hésite pas et qui y va, est-ce que c'est une performance ou pas? Est-ce que ce héros mérite une reconnaissance plus forte? Ce sera à vous de le dire. Et puis, la vraie sous-question de ce matin, pourquoi les autres Namurois qui sont sur le bord, pourquoi ils n'y vont pas? Pourquoi ils regardent cette femme se noyer? La question pour vous, puisque vous souhaitez ce débat-là ce matin, la Wallonie a un héros. Dimanche, à Namur, Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Vous, franchement, vous auriez pu, 070-233-466, par SMS au 3063, et après nous avoir dit si vous étiez probablement ou potentiellement plongeur, vous nous direz pourquoi les autres n'ont pas bougé. C'est vous qui le dites. Ce week-end, vous allez en Ardennes? Oh, regarde là-bas! Oh, il est beau le chevreuil! Oh oui! Ou bien dans un bon restaurant? Il est bon le chevreuil, hein? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Vivacité et la Une présente les musicales de Belœil 2016. Place à la danse, 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster avec la Libre Belgique. Tous les ans, Jeanne part en Inde. Namasté. Pour une retraite méditative. Et Jeanne oublie de jouer au loto. Oh non, mes chakras. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. envie de fou rire ou quand et comme je veux. Nous terminons la semaine presque sérieusement. Laurence Bibeau pour le café serré. Pour ce grand cactus. RTBF Ovio, l'humour ou quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La lingerie Féminella à Herves, maison spécialisée depuis près de 30 ans en lingerie dames et hommes. Marie-Jo, Primadonna, Simone Perle et bien d'autres marques vous y attendent. À très vite chez Féminella à Herves. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. L'air de rien, alors que toute la Belgique avait les yeux concentrés sur ce match entre la Belgique et la Hongrie dimanche soir, eh bien se déroulait un acte héroïque à Namur, près de la Maison de la Culture, près de l'eau. Le jeune Yacine, 24 ans, c'est le jour de son anniversaire, va chercher à manger à la mi-temps. Il est là avec des copains, il voit une femme qui se noie. Tout le public au bord de l'eau ne bouge pas, mais lui enlève les vêtements et il y va. Et nage 10 mètres dans cette sambre hostile de dimanche soir et ramène cette dame de 61 ans qu'il a donc sauvée. Elle était en train de se noyer. Un héros félicité par les autorités. Faut-il le féliciter d'ailleurs au-delà du bravo de la commune? Et puis surtout, pourquoi les autres n'y ont pas été? Qu'a dit Yacine, vous l'avez entendu dans sa propre voix tout à l'heure. C'est quoi ça? A-t-il dit. C'est quoi ça? Personne ne bouge. C'est pourtant facile de sauver quelqu'un. 070-233-466 par SMS au 3063. Et Brenne Lecomte qui est en ligne. Jean-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est votre profession, bonjour. Jean-Marie? Je suis pompier ambulancier. Dimanche voilà. Soir, il faut un courage pour sauter dans la sambre ou c'est peanuts, cacahuètes, trois fois rien? Non, il faut quand même du courage, effectivement. Hein. C'est pas non plus évident. Vous savez, chez nous, je vais prendre un cas à part. Vous savez, quand vous avez une maison en feu, quand nous on rentre, les gens ils foutent le camp. Hein. Donc voilà, c'est pas pour rien non plus. Maintenant, vous savez, avec les crues qu'il y a eu, il y avait sûrement probablement du courant. Donc voilà. Maintenant, ce que alors, je attendez, pas... c'est du courage ou c'est de l'inconscience? Parce que là, vous me racontez une sambre. Non, c'est du courage. Il fallait beaucoup de courage, ne fût-ce que 10 mètres. Vous savez, en fait, il est effectivement, vous savez, 10 mètres, dans, allez, que ça soit dans n'importe où, 10 mètres, c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez le stress, l'adrénaline, sauter, aller chercher quelqu'un, la ramener sur le bord, ça demande beaucoup de courage. Attendez, vous qui savez ça avec vos camarades pompiers, hein. Jean-Marie, vous qui savez ça, nager 10 mètres dans la sambre, c'est comme nager dans la mer avec les vagues contre-courant ou ça n'a rien à voir? Non, c'est complètement différent. Mais ce qu'il y a, c'est... moi je l'ai fait. Écoutez, il y a 5 ans d'ici, j'étais en vacances dans le Gard. J'ai vu un adolescent qu'on a poussé un petit peu à sauter. Ce jeune homme a sauté, mais il savait pas nager. Et vous savez quand je l'ai vu, vous savez, mon réflexe était simple. C'était de laisser ma femme en fait avec les enfants. J'ai juste enlevé mes baskets et j'ai sauté. Et bon, c'était pas très haut, il y avait à peu près 4 mètres, mais j'ai sauté, j'étais le chercher, je l'ai ramené. Et effectivement, ce jeune homme ne savait pas nager du tout, mais ça doit devenir, en fait, c'est un réflexe humain. Jean-Marie, est-ce qu'on avait le droit de pas y aller? Donc il y a plein de Namurois qui sont au bord et qui crient « Madame, venez, venez, venez ». Est-ce qu'ils avaient le droit de pas y aller? Écoutez, je pense qu'il y a simplement des choses à dire. C'est qu'il y a des gens qui sont faits pour sauver, d'autres non. Vous savez, c'est pas évident non plus de faire ce genre de choses. Sauter. Maintenant, si c'est quelqu'un de sa famille, je pense qu'on sera peut-être, plus à même de sauter. Attendez, il y a un problème. Il y a des gens faits pour sauver. Donc dimanche soir, si le jeune Yacine passe pas, les autres la regardent mourir. Exactement. Je pense que c'est ça. Voilà, il y a personne. Écoutez, si personne n'avait sauté jusque-là, tout le monde lui dit simplement « Oui, vas-y, reviens. » Mais voilà, c'est qu'il n'y a personne qui avait envie de sauter non plus. Donc peut-être que l'alcool avait fait son petit effet aussi, mais bien souvent, on dit que l'alcool rend plus courageux. Ben effectivement, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Une dernière chose. Donc vous me dites, il y a des gens faits pour sauver, on n'était pas tous obligés d'y aller. Si la dame était morte, on pouvait se contenter de regarder la dame... Non, absolument tomber. Pas. Non, absolument pas, non. Enfin, pas pour moi en tout cas, pas à mes yeux, parce que nous on était formés pour sauver, donc voilà. Mais moi maintenant, je vous parle pas d'un professionnel. On fait pour sauver, d'autres non. Moi je vous parle pas d'un professionnel, je vous parle de quelqu'un qui n'est ni ambulancier ni pompier. Est-ce qu'on peut regarder quelqu'un se noyer dans la sambre? Non, absolument pas. Non, il fallait aller la chercher. Bon, oui, alors on est dans un nœud, parce qu'il y a toute une série de gens qui n'y vont pas. Et si Yacine n'a pas faim à ce moment-là, il y a personne qui vient sauver la dame. Merci Jean-Marie pour le récit, vous avez vous-même été héros dans le Gard en vacances à l'époque. Fléron nous appelle maintenant. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Voilà, je crois que le vous l'auriez fait précédent, vous l'auriez fait, les pompiers, à tout résumer. Vous l'auriez fait. Ce que je voulais dire éventuellement. Vous l'auriez fait. Oui, je l'aurais fait spontanément, mais je vais vous dire une chose, je pense que ce garçon, c'est ça que je voulais surtout dire, mérite la Légion d'honneur, comme le président en France donne la Légion d'honneur à quelqu'un qui a commis un acte de bravoure. Je pense qu'ici, le roi devrait être sollicité pour effectivement remettre une Légion d'honneur, si on peut l'appeler comme ça, ici, à ce jeune homme. Gabriel, je fais deux secondes de marche arrière. Vous me dites, oui, je l'aurais fait. Mais pourquoi vous l'auriez fait et que plein de Namurois ne l'ont pas fait? Ça, il faut leur poser la question. Je crois que c'est spontané, hein. C'est un fait que c'est un geste exceptionnel. Mais bon, on ne réfléchit pas à ça. Hein. On ne réfléchit pas. C'est comme ça que ça vient. Et puis, voilà. Maintenant, je pense que les personnes qui ne sont pas suffisamment jeunes, qui ne sont pas suffisamment bons nageurs, forcément, on ne peut pas demander ça. Et vous auriez pu alors nager? Vous auriez pu nager 10 mètres dans la Sambre. Vous vous en sentiez capable? Oui, bien sûr. À l'époque, oui, bien sûr. À l'époque, mais maintenant? Ah, maintenant, je suis pensionné, alors c'est un peu plus difficile quand même. Et quand on est pensionné, on ne sauve plus les gens? Mais si, moi, spontanément, je suis capable encore. Oui. C'est une performance physique, ce qu'a fait ce jeune homme de 24 ans? Ah, c'est exceptionnel. Ça mérite vraiment une récompense nationale, je vous assure, remise par le roi. Pourquoi par le roi? Parce que je pense que cette récompense ne doit pas être, utilisée par des politiques éventuellement. Gabriel, quelqu'un qui n'a pas plongé, on peut le condamner lourdement? Donc vous donnez l'équivalent de la Légion d'honneur à l'un? Non, je ne me permettrai pas de condamner qui que ce soit. Il regardait quelqu'un mourir. Il regardait quelqu'un mourir du bord de l'eau. Ça franchement, ça me ferait, je sais pas moi, ça me ferait très mal de voir ça. Je ne supporterais pas. On ne peut pas non plus obliger tout le monde à être... à ce moment-là, il y a plein de gens qui pourraient aller sauver plein de gens dans toute la guerre. Donc j'entends bien, au moment X, donc attendez, parce que ça se déroule en quelques fractions de secondes. Hein. La dame est en train de se noyer, il y en a qui regardent. Vous me dites, on ne peut pas les obliger à y aller. Moi, je vous demande si après coup, on peut les engueuler ou les condamner de ne pas y avoir été. Ah, ceux qui sont capables... Je vous demande si après coup, on peut les engueuler ou les condamner de ne pas y avoir été. Ah, ceux qui sont capables, on peut leur faire une remontrance. Oh, mais Yacine, il ne sait pas qu'il est capable. Comment il sait qu'il est capable, Yacine? Un bon nageur, il y a plein de bons nageurs actuellement dans les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui nagent super bien, donc la plupart des jeunes pourraient le faire. À la mi-temps d'un match de foot? Ah bah oui, qu'est-ce que ça fait, c'est un match de foot. La vie de quelqu'un compte plus pour moi qu'un match de foot. Voilà. Vous êtes à Fléron et vous auriez pu y aller. Mélanie Joris, on vient vers vous avec l'éclairage, complément d'information. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade sur cette dame de 61 ans qui était en train de se noyer dans la Sambre et que Yacine a sauvée. Est-ce que vous avez plus d'infos sur cette dame? Oui, j'ai pu avoir un peu plus d'infos en parlant avec le premier échevin de la ville de Namur, Tanguy Osper. Alors, il m'a expliqué que cette dame avait manifestement des idées suicidaires. Il se pourrait également qu'elle était sous l'influence de l'alcool lorsqu'elle s'est jetée dans la Sambre. Alors, lorsqu'elle a justement sauté dans la Sambre, elle se laissait couler et son corps est en train de se diriger vers le confluent. Si Yacine n'avait pas plongé, eh bien elle serait morte. C'est le constat qu'ont fait les pompiers lorsqu'ils sont arrivés sur place. Lorsque son corps a été ramené sur la berge, eh bien c'est la Croix-Rouge et la police qui ont pris le relais. La dame a refusé d'être transportée jusqu'au CHR. Elle a donc passé la nuit au poste de police où sa fille est venue la récupérer le lendemain matin. Et pour en revenir à Yacine, il a rencontré le premier échevin et qu'il l'a félicité pour son geste et pour ce sauvetage. C'est là qu'on a appris que Yacine était un adepte de sport. Il fait beaucoup de foot et beaucoup de natation. Mélanie, une précision pour qu'on parle bien de la même chose. Est-ce qu'on vous a dit que cette dame était en train de se suicider ou on vous a dit qu'elle avait des idées suicidaires, ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Elle avait des idées suicidaires, mais elle ne se débattait pas dans l'eau, elle ne souhaitait pas revenir à la surface. C'est une information importante. Et sans le savoir, évidemment, Yacine y va, en interrompant peut-être ce qu'il ne fallait pas interrompre. 070-233-466. Angie nous appelle. Fabienne, bonjour. Fabienne, Angie, région liégeoise. On vous récupère et vous êtes là. Donc à ce stade, Fabienne, on est dimanche soir, on ne sait pas pourquoi cette dame est dans l'eau, on n'a pas encore l'info sur l'alcool et les idées suicidaires. Vous passez par là, vous y allez ou vous y allez pas? Franchement, non, je n'aurais pas eu le courage. Donc vous regardez? Pas eu le courage du tout. Vous regardez, madame? Je regarde pas, elle est plus sorte. Maintenant, je regarde les gens autour de moi, je crie peut-être, regardez s'il n'y a pas quelqu'un qu'ils aient le courage, les bons nageurs pour sauter, mais moi personnellement, non. Malheureusement, je n'aurais pas le courage de le faire. Attendez, que disait la foule autour? Dites-moi si ça sert à quelque chose. Donc la foule massée autour criait « Venez madame, venez madame ». Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, pas du tout. Et en plus, avec les éléments qu'on a maintenant, donc elle n'était pas là par hasard, donc non, ça ne servait à rien du tout. Mais maintenant, vous savez, il faut vraiment le courage de sauter. On a comme sa propre vie, je crois, qui défile, de savoir si on est capable. Tout le monde peut se permettre de sauter comme ça. On va essayer, évidemment, on va essayer de joindre ce jeune héros wallon en espérant lui parler tout à l'heure. Mais vous pensez qu'en tout en enlevant ses vêtements, il réfléchit aux 24 dernières années de sa vie? Au moment où je vous ai téléphoné, non. Mais maintenant, bon, on verra quand même que c'est quelqu'un qui est fort sportif, qui est doux en natation, etc. Donc, on n'en sait rien. C'est quand même quelque part ce qu'il fait. Ben, c'est ce que vous venez de le dire maintenant, juste avant. Non, si, il y a des si. C'est Gabriel qui a dit, s'il est doué en natation, celui qui passe doit y aller. Mais on ne sait pas si Yacine était un champion de natation. Ça, c'est pure suspicion. Ben oui, mais voilà. Moi, personnellement, je suis sûre à 90% que je n'aurais pas eu le cran de sauter. Ça, c'est certain. En plus, avec tout ce qui se passe maintenant, les cours d'eau, etc., je n'aurais pas eu le cran, non, franchement. Fabienne, maintenant qu'on a des éléments supplémentaires, Yacine, il n'a pas sauvé la vie de cette femme. Il l'a empêchée de mourir alors que c'était peut-être son projet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben oui. Ben, moi, je pense que ce n'était tout simplement pas à l'heure de madame maintenant. Je pense que quand son heure n'est pas là, Et voilà, il devait se trouver sur le chemin de cette dame et il l'a sauvée. Et peut-être reprendra-t-elle, ou peut-être c'est pas lui ouvrir les yeux, et qu'elle se rend compte quand même que la vie est belle et qu'un jeune homme a risqué sa vie quand même pour sauver la sienne. Ah, ça fait beaucoup de si. Elle a fini au cachot en attendant, après avoir été sauvée. Fabienne, votre franchise, je n'irai pas, je n'aurais pas pu y aller. Même exercice alors à Braine-l'Alleud dans un instant. Attilio viendra nous dire, et vous comprenez bien le contexte, mi-temps de Belgique-Hongrie, une femme se noie. Est-ce qu'Attilio plonge ou il plonge pas? Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. L'enseignement de la province de Liège propose des stages de découverte des métiers techniques pour les enfants de 10 à 14 ans, du 22 au 26 août. Ces stages gratuits se dérouleront dans nos écoles de Houy, Warem, Serein, Flémal, Liège, Stal et Verviers. Réservation obligatoire, nombre de places limité. Plus d'infos sur mafutureécole.be/stage. Bonjour, c'est Thomas Schumalen. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Et au 070-233-466, Marion, voyons les mots utilisés pour qualifier le comportement, le geste de ce jeune Yacine qui, à ce stade, est toujours un inconnu, un héros wallon de 24 ans. Les mots utilisés? Eh bien, au standard, ce sont essentiellement des mots positifs qui sont utilisés pour le décrire. Ils sont nombreux à qualifier Yacine de héros et surtout à réclamer une décoration pour son acte de bravoure. C'est le cas d'Elisabeth de Sombreff ou encore de André de Hall. Alors, Nicolas de Hersal, lui, décrit Yacine comme un philanthrope. Il a d'abord pensé à cette dame qui se noyait avant de penser à lui et au risque qu'il prenait lorsqu'il a sauté. Mathieu de Herve trouve que ce jeune homme est très courageux. Il a fait ce que des dizaines d'autres personnes n'ont pas osé faire, toutes les personnes qui attendaient au bord de la Sambre et qui n'ont pas sauté. Thierry de Flemal, lui, qualifie Yacine de grand sportif parce que pour sauver une dame de 61 ans dans la noyade le soir quand il fait froid, eh bien, c'est très compliqué, tout le monde n'en est pas capable. Il faut une très bonne condition physique pour le faire, pour se lancer dans une telle aventure. Et puis il y a aussi quand même eu quelques mots négatifs, donc, notamment celui de Yvan de Saint-Nicolas, qui trouve que Yacine est inconscient d'avoir sauté pour sauver cette dame. S'il regardait le match, eh bien, il était sûrement un peu alcoolisé. Il avait sûrement dû boire quelques bières en regardant le match. Alors, il n'a sûrement pas réfléchi plus que ça à ce qu'il faisait avant de sauter. Au final, il a réussi à la sauver, mais ça aurait aussi très bien pu très mal se tourner. Ce jeune homme aurait pu se noyer avec la dame. Alors, mieux vaut un mort que deux, selon Yvan de Saint-Nicolas. Prenez-la le temps, Lynn, dansez vous qui le dites. Attilio, bonjour. Bonjour. Vous êtes en bonne santé physique, vous, ou pas? Non, je suis invalide. Alors mettez-vous dans la peau de... C'est l'impossible scénario. Vous êtes dimanche soir à la mi-temps de ce match Belgique-Hongrie. Vous voyez la dame qui se noie. Avec ça... Je saute. Vous sautez? Je saute. Oh, mais oui. Vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, Attilio? Non, mais je saute quand même. Oui, mais vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Physiquement... Quelle part de risque? Vous prenez un risque. Vous prenez un risque. Mais quand il y a une dame qui, même qu'elle soit suicidée ou pas, il faut porter secours. Donc, moi, je félicite évidemment celui qui l'a sorti. Mais moi, j'aurais été là, j'aurais plongé. Vous dites quoi à ceux qui ont regardé, qui n'ont pas été? Ceux qui criaient « Venez, madame, venez, madame ». Vous leur dites quoi à ceux? Mais ouais, mais que ce soit des lâches. Des lâches? Oui, des lâches. Est-ce qu'on est tous obligés d'y aller? Parce que vous, malgré les difficultés physiques, tous, vous faites un choix. Tous, mais ceux valides ou moins valides qui savent un peu nager, comme moi, ben, il faut plonger, quoi. Mais si on se sent pas à la hauteur de l'événement? Mais à la hauteur de quel événement? De sauver une dame de 61 ans, c'est quoi ça? Où est-ce qu'on va alors, monsieur? Attendez, l'enjeu, alors, c'est pas sauver. L'enjeu, c'est pas sauver, c'est très concret. Si je vois, je dois venir, j'enlève mes vêtements au passé selon, et je plonge dans cette cendre, après des moments de crue incroyables, c'est un pompier qui nous l'a dit tout à l'heure, et dans une situation qui ressemble pas du tout à nager dans la mer. On est encore dans un autre scénario. Mais moi, je le dis, je le ferai sans hésitation. Ce jeune homme, il mérite quoi? Il mérite maintenant qu'on lui dise bravo et il continue sa vie? Bien sûr, parce que c'est le seul et unique qui a sauté et qui a sorti de la noyade cette dame qui voulait se suicider. Il y a un hic. Cette dame avait fait le choix de mourir. Et voilà que ce jeune homme est venu contrecarrer ses plans. Mais qu'est-ce qu'on fait général, avec ça? En général, vous aurez une tentative de suicide, ça veut dire « help ». C'est-à-dire que, bon... Oh, mais là, c'est pas un petit suicide à la maison, c'est dans l'eau. Oui, mais bon, que ce soit à la maison ou dans l'eau, ce sont des appels au secours. Attilio, valide ou moins valide, dès qu'on sait un peu nager, il faut y aller, avez-vous dit à Braine-l'Alleud. Nous sommes maintenant à Messancy. Albert, bonjour. Bonjour, madame. Ce jeune homme, il a fait une gaffe, il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Il a sauvé une dame qui voulait mourir. Bah, c'était pas déjà, il savait pas vraiment qu'elle voulait mourir. Et c'était, il a fait un acte très courageux d'aller chercher quelqu'un qui est justement dans la Sambre, qui est quand même une rivière avec un débit assez conséquent. Et c'est quand même quelque chose qui est très très délicat à réaliser. Vous connaissez, vous, un peu l'eau et les rivières? Vous connaissez l'eau? Je suis sauveteur en eau. Voilà. Piscine, lac, étang, rivière. C'est quoi une sambre un dimanche soir en matière de courant, de difficulté de nage? C'est quoi? Ben c'est très très compliqué parce que la personne qui va être dedans va être immobile, va se déplacer différemment de quelqu'un. Et à partir du moment où elle va être la tête sous l'eau, en plus avec tout ce qui a été charrié comme saleté, ben vous n'allez pas la voir. Donc c'est très très compliqué. Et il y a une chose qu'on nous apprend quand on passe notre brevet de sauveteur, on nous apprend que si on n'est pas sûr de réussir un sauvetage, il ne faut pas y aller. Il vaut mieux, c'est mal à dire, mais une personne qui se noie que deux. Voilà. Si on n'est pas sûr, il ne faut pas y aller. Donc tous les gars qui regardent, on peut dire, ils ne sont pas sûrs, donc ils ont bien fait de ne pas y aller. Bah, si c'est pour aller se noyer, parce qu'il faut quand même savoir que si vous avez déjà pris la peine de sortir vos vêtements, un pantalon, je ne sais pas comment est habillée la dame, mais un pantalon, une chemise, une paire de chaussures, et peut-être un pull de la machine à laver et de les mettre sur une balance, vous allez voir le poids que ça fait. Une personne qui se noie, c'est une personne qui soit se débat ou soit est en état de quasi-noyade, donc ne bouge plus et c'est un poids mort. Donc ramener une personne qui se débat, eh ben, il faut déjà y aller pour la ramener jusqu'au bord. Si en plus elle est habillée, c'est une contrainte supplémentaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué. C'est vraiment quelque chose qui est très très très compliqué à réaliser. Alors quand vous me le racontez comme ça... Quand vous me le racontez comme ça, je dois entendre que vous êtes très admiratif d'un gars qui n'est pas comme vous, un professionnel... Donc un bête citoyen, vous êtes admiratif? Bah tout à fait. Et la personne d'avant qui dit « Oui, mais même si on n'est pas un bon nageur, il faut y aller », eh ben qu'il y aille, juste comme ça, dans une piscine, qu'il y aille, qu'on lui mette un mannequin avec des habits, qu'il y aille, qu'il essaie déjà de faire 5 mètres dans une eau calme, et après on en reparle. Parce que aller dire, oui, mais tous les gens qui ne l'ont pas fait, ils auraient dû, c'est des peureux. Non, non, non, non. À un moment, il faut regarder les choses, il faut poser les choses correctement. Vous êtes dans une rivière, sans vue, le soir, avec du débit, une personne qui est probablement habillée, qui va se débattre, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et on peut même aller plus loin. Mais si jamais vous y allez et qu'il se passe quelque chose que vous mourrez, c'est vraiment, si en plus vous avez une famille, c'est une catastrophe pour deux familles. Quoi. Albert, alors je retiens le mot du professionnel que vous êtes. C'est une citation qui claque dans la matinée. Si on n'est pas sûr, il faut y aller. 10h32, c'est l'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime qu'il n'aurait pas plongé par peur de se noyer ? Eh bien, 60% n'auraient pas sauté dans l'eau pour sauver cette dame par peur de se noyer en essayant de la sauver. Justement, une personne qui se noie se débat et nager avec des vêtements, eh bien, c'est très difficile. Élise de Sprimont le dit, ce n'est pas parce qu'on sait nager qu'on sait maîtriser quelqu'un qui se débat dans l'eau. Certains surestiment leur capacité physique. Eh bien, après, ils prennent des risques pour leur propre vie et c'est dangereux. Le mieux à faire, selon Élise, c'est d'appeler les secours et d'attendre qu'ils arrivent. RTBF Mobile Info, maintenant Stéphane. Sur la Nationale 5, Charleroi-Couvin, un accident impliquant plusieurs camions s'est produit à hauteur de Tarsienne. La chaussée est fermée en direction de Couvin. C'est un accident qui risque de prendre un certain temps, donc un conseil, évitez le secteur si vous le pouvez. Pour rejoindre Bruxelles, vous perdez 10 minutes sur le 40 qui vient de Gand entre Ternat et Grand Bigard. Sur le ring, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Mais cependant, on perd encore du temps entre Ytre et le carrefour Léonard, une dizaine de minutes. Un quart d'heure supplémentaire pour la circulation intérieure de ring entre Ytre et Grand Bigard. Et pour terminer, un radar nous est signalé sur le 411 Bruxelles-Namur entre Wavre et Torrent-Bessatron en direction de Namur. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange et c'est important à la veille de l'été. 18% des étudiants qui travaillent pendant l'année ont un job étudiant. Oui, mais c'est un job d'étudiant au noir. Que risquent ces jeunes? C'est au noir, on ne peut pas leur enlever le chômage, ils ne l'ont pas. Que risquent-ils? J'attends un nom dans cette conversation après la pause. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand-Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur. Patrimoine, participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. 18% des étudiants qui travaillent pendant l'année ont un job d'étudiant, oui, mais c'est un job au noir. Et parmi les étudiants mineurs, la proportion de noirs est encore plus élevée, puisque 30% des étudiants mineurs sont sans contrat. D'où la question qui dérange ce matin, est-ce que ces étudiants risquent quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut leur enlever ou on ne peut rien leur enlever? Et ils ne risquent rien. D'où viennent ces chiffres sur le travail d'étudiants au noir d'une étude Randstad? Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. Qui va nous éclairer sur les étudiants au noir? Eh bien, ce sera Valérie Denis, collaboratrice presse chez Randstad. Alors, dans ce baromètre, on apprend que la proportion d'étudiants qui travaillent pendant l'année a doublé depuis une dizaine d'années. On apprend également que la plupart des étudiants travaillent pour aider soit leur famille et contribuer au budget familial, soit pour financer leurs études. L'étude montre également que les étudiants masculins gagnent plus que les étudiantes féminines. Et finalement, concernant ces 18% d'étudiants qui travaillent travaille sans contrat. Randstad ne comprend pas. Les risques sont bien trop importants par rapport aux bénéfices que cela pourrait rapporter. D'après le groupe d'intérim, eh bien, la législation belge est déjà suffisamment flexible pour ne pas tomber dans le travail au noir. Dans les risques liés à ce travail sans contrat, Randstad souligne que les étudiants n'ont aucune couverture sociale et aucune assurance en cas d'accident sur le lieu de travail. Ah, ce qui nous intéressera tout à l'heure, c'est la question de la sanction. Comment on va les sanctionner ? Un chômeur perdrait son chômage, mais un étudiant. Vous voulez orienter la conversation ? Soufflez-nous une question dans l'oreille via Marion au standard. Et Léon de Fosse-la-Ville trouve que les étudiants qui travaillent au noir doivent absolument être punis, selon Léon, car commencer à travailler au noir si jeune, eh bien, c'est leur envoyer un très mauvais signal. Ils vont prendre de mauvaises habitudes de travail et surtout développer un sentiment d'impunité par rapport à ce travail au noir. Justement, ils ne vont pas se rendre compte, une fois qu'ils seront dans le vrai monde du travail, les risques qu'ils prennent quand ils travaillent au noir. Donc, pour toutes ces raisons, Léon demande que tous les étudiants qui travaillent au noir soient sévèrement sanctionnés et surtout fichés afin qu'ils puissent être facilement repérés une fois qu'ils seront dans le vrai monde du travail et qu'ils risqueront de recommencer. Ah ben, nous verrons quelles sont les sanctions en ce moment et quelles sont les sanctions à prendre pour dissuader. Est-ce que ces étudiants au noir risquent quelque chose ? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. Sion, en attendant, vous avez choisi une conversation sur ce héros wallon. Dimanche soir à Namur, le jeune Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Est-ce que vous, vous l'auriez fait ? Est-ce que vous auriez sauté ? Nous sommes dimanche soir, le jeune homme fête ses 24 ans avec des amis dans le centre de Namur. C'est son jour d'anniversaire, mi-temps du match Belgique-Hongrie. Il va chercher à manger et voit près de la maison de la culture que quelqu'un se noie sur le bord de l'eau. Tout le monde regarde et lui, il y va, mais il y avait du monde, comme il l'a expliqué au micro-chutes. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont vues, la dame là-bas, et personne ne bouge. C'est quoi ça? Tout le monde est vu la femme là-bas et personne ne bouge. Pour sauver quelqu'un, c'est facile, c'est pas difficile. Il faut un peu de courage, si tu veux. On demande un avis à Noiseux. Marie-Louise, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Il a raison, ce jeune homme. C'est facile de sauver quelqu'un. Ben écoutez, quand c'est bien nagé, oui, parce que moi j'ai eu mon fils qui a fait la même chose. Donc nous étions à la batte un dimanche à Liège, et il y a quelqu'un qui est sauté du pont. Le voyant sauter, j'ai cru que c'était un enfant, et personne ne bougeait. Alors j'ai dit, mon fils qui était à côté de moi, il a 19 ans à ce moment-là, il y a quelques années déjà, et bien il a sauté dans la mer. J'ai dit, vas-y, parce que je croyais que c'était un enfant. Vous l'avez... Elle était entraînée par le courant. Attendez, si vous aviez sauté, vu que c'était pas un enfant, vous lui auriez dit, reste, et on continue les courses? Oh non, bien sûr que non, hein. J'ai vu quelque chose sauter, je dis à mon fils, écoute, qu'est-ce qu'on fait, vas-y, oui maman. Après j'ai eu peur, hein, et moi-même. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même, Marie-Louise? Vous encouragez les autres à aller dans la Meuse? Non, mon fils savait nager très très bien, moi très très mal, donc il en aurait eu deux à noyer, à sauver. Je crois que là il aurait eu plus difficile. Mais le pire dans l'histoire, c'est que les pompiers sont arrivés un quart d'heure après. Il faisait moins 4, c'était en hiver. On l'a laissé là au bout dans la Meuse parce qu'il n'y avait pas d'échelle pour remonter. L'ambulance est arrivée. Et donc, il a sauvé la dame, hein, bien sûr. Hein. C'était une jeune dame toute fluette. Marie-Louise, je vous ramène maintenant à Namur. Donc, sur le bord de l'eau, on ne sait pas. Il y avait sans doute des gens qui savaient nager, d'autres peut-être un peu moins bien. Est-ce qu'on peut condamner à Namur ceux qui n'ont pas été ? Non, je crois que tout le monde est tellement surpris qu'il reste sur place un peu anesthésié, je veux dire. Quand j'ai vu les gens autour de moi, ils étaient tous comme ça. Ils regardaient, mais ils réagissaient pas. Et moi, j'ai dit, allez, saute. Après, je me dis, mon Dieu. Et si elle était morte, si elle était morte, à Namur, madame? Non, elle n'était pas... Ah, ça aurait été atroce, c'est sûr, mais bon... Ah, moi, c'est la question de Namur que je vous pose. Hein. C'est bien ce qui s'est passé dimanche soir qui nous occupe ce matin dans la conversation. Mais je retiens que votre fils est un de ces héros wallons. Il a été, quittant la batte, il a été dans la Meuse. Fève en ligne, Alain, bonjour. Bonjour, Benjamin. Quelle est votre profession ? Je suis ambulancier à la protection civile. Bon, pour vous, c'est une évidence, vous auriez sauté ? En tant que professionnel, oui. En tant que passant, au premier abord, j'aurais fait exactement la même chose, mais avec la deuxième information que vous avez donnée, que cette dame tentait de se suicider, j'émettrais énormément de réserves. Attendez, on ne sait pas. Il n'y a personne qui dit en ce moment. Oui, justement, ici, moi, je me suicide. Au deuxième abord. Premier abord, oui, c'est clair que j'aurais sauté, que je sois en tant que qu'ambulancier ou que je sois en tant que promeneur, je l'aurais fait. Alain, donc ce jeune homme de 24 ans, c'était un héros en début de conversation et maintenant c'est quoi, un empêcheur de tourner en rond? Non, pas du tout, c'est un héros. Le gars, c'est magnifique ce qu'il a fait. Pour le dire vulgairement, il a eu les couilles que beaucoup d'autres qui étaient autour n'avaient pas. Est-ce qu'on est tous, dans ce cas-là, est-ce qu'on est tous obligés d'y aller? Est-ce que c'est un devoir moral? Non, absolument pas. Il faut oser. Il faut avoir la mentalité, il faut avoir le mental de pouvoir le faire. Mais il faut avoir le mental de laisser mourir quelqu'un. Non, mais là, ici, écoutez, si une personne avait sauté, j'ai entendu tout à l'heure un monsieur qui est handicapé et qui a dit qu'il, lui, aurait certainement sauté. Attilio. Imaginez que ça aurait fait deux victimes. Oui, il avait le mental, Attilio. Il a dit valide, moins valide, peu importe, dès qu'on sait un peu nager, on y va. Il avait le mental. Oui. Et vous venez de me dire, oui. Il faut le mental. Eh ben alors. Il faut le mental, il faut avoir la cohésion, il faut être certain de son coup. Maintenant, sauter là et risquer de faire deux morts, alors que Attilio, lui, aurait sauté pour sauver la personne, et après qu'on aurait appris que cette dame-là voulait se suicider, c'était vraiment un mort pour rien. C'était elle, la criminelle, là-dedans. Alain, que mérite, donc vous êtes un professionnel à la protection civile, mais que mérite un anonyme, un petit jeune homme de 24 ans qui est là dans une rue de Namur avec des copains, que mérite-t-il? Il a sauvé une vie, que mérite-t-il? Il mérite des honneurs nationaux. Honneur national, dites-vous. Il a eu les félicitations de la commune. On ne sait pas si c'est l'équivalent, mais visiblement, ce n'est pas de même ampleur. Je dois vous signaler à ce stade, à 10h43, que nous avons un contact avec Yacine, ce jeune homme qui ne répond plus actuellement. Nous avons pourtant ses coordonnées. On peut tenter dans toute prochaine seconde de le joindre. Marion, vous en êtes le garant, parce que nous avons les coordonnées. Je vous signale également que nous avons un contact avec la commune qui ne répond plus. Ah, ce sont les joies du direct. On vient au standard chez vous donc pour la suite de conversation. C'est l'élément du suicide hein, qui chipote pas mal d'appels. Effectivement, au standard, on fait une différence entre une personne qui se noie par accident et une personne qui tente de se suicider en se jetant dans l'eau. Alors Justine Desbonvillers, elle sauterait pour une personne qui se noie sans faire exprès, pour une personne qui crie à l'aide au secours et qui essaye de se débattre, de sortir de l'eau, mais pas pour une personne qui ne cherche pas à sortir de l'eau et qui se laisse couler ou emporter par le courant parce qu'elle estime que c'est trop dangereux. Sébastien de Merdorp a déjà sauvé une personne de la noyade. Lui, c'était un suicidaire qui lui en a voulu de l'avoir sauvé une fois qu'il l'a sorti de l'eau. Sébastien s'est fait engueuler. Cette personne ne lui a fait que des reproches et pas un seul merci, alors que Sébastien avait mis sa propre vie en danger pour sauter et le sauver. Alors il le dit, la prochaine fois, il y réfléchira à deux fois avant de sauter. C'est vous qui le dites à viser. Hélène, bonjour. Monsieur. Et on me signale que vous avez déjà sauvé une vie. Qui avez-vous sauvé? Eh ben, tout simplement dans la Meuse, j'ai sauté pour sauver un chat. Quand? J'avais 17 ans. Qu'est-ce qu'il faisait ce chat? Il se débattait? Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il nageait comme une pierre. En face du musée, donc du nouveau musée. Oui, c'était dans ces environs-là. L'eau était dure. L'eau était dure, l'eau était méchante, l'eau était violente. Ben, c'était du côté où passent les péniches, donc il y avait quand même pas mal de remous. Mais je ne me suis pas posé la question, j'ai vu un chat se noyer, j'ai sauté tout simplement. Hélène, vous sautez pour un chat et à Namur, des gens voient une dame de 61 ans se noyer, ils ne sautent pas. Pourquoi dans ce monde, certaines sautent pour un chat et d'autres ne sautent pas pour une dame? Je ne veux pas être méchante, mais j'ai toujours trouvé que les gens étaient cons et ça ne fait que me conforter dans mon idée. Parce que personnellement, je nage dans la Meuse depuis que j'ai 12 ans. Je ne suis pourtant pas une bonne nageuse. Je fais 97 kilos pour 1m73, donc je ne suis pas non plus de constitution hyper sportive. Et je m'amuse dans les vagues et comme une bonne centaine de personnes tous les ans au parc de la Beauvrie, je vais nager dans la Meuse. Je ne vois pas ce que les gens... de ne pas sauter, ce qui leur passe par la tête, parce que si je le fais pour un chat, bien sûr que je le ferai pour une personne. Et dans la Sambre, c'est la même chose. Si on saute dans la Meuse, vous auriez sauté dans la Sambre? Bah écoutez, dans la Sambre, dans la Meuse, dans la mer, c'est pareil. Pour moi, ça ne change absolument rien. À partir du moment où on sait se servir de ses pieds et de ses mains, on voit une personne sur le bord de la route, en plein milieu du jeu de qui manque de se faire renverser par une voiture, on va la chercher. Alors pourquoi pas dans l'eau ? Hélène, vous avez gardé le chat ? Non. Je l'ai remis sur le bord et je suis partie. Et il est reparti. Vous avez sauvé un chat à Namur dimanche soir. Certains n'ont pas sauvé une femme. Merci de nous avoir rejoints. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant, que risquent les étudiants au noir ? Question qui dérange. Bonjour, c'est Divock Origi. Comme Vivacité, je suis complètement fou. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Envie de vibrer où, quand et comme je veux ? RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux, c'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Cette semaine, Michel Polnareff est en exclusivité sur Vivacité. Avant son concert du 19 juillet au Francofolie de Spa, retrouvez Michel Polnareff chaque soir dès 17h dans le 5 à 7 et dès 19h dans le Tip Top. Michel Polnareff, cette semaine en exclusivité sur Vivacité. J'aime bien, c'est qu'il y a des bistrots quasiment à chaque coin de rue. Ça, c'est la particularité, je crois, à Bruxelles et que j'ai toujours apprécié. Mais il y avait un bistrot que j'allais tout jeune, c'était au Savoy, à la Bascule. Je partais le matin, il y avait des gars qui étaient au comptoir. Je revenais à 16h, ils étaient toujours au comptoir. Ça me faisait rigoler. C'est pas la brasserie parisienne, c'est le cabeur douche, le truc. Ça, pour moi, c'est Bruxelles. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. Du 2 au 24 juillet, Vivacité vous donne rendez-vous sur les routes du Tour de France. Toute l'actu du Tour, les particularités de l'étape, les enjeux, le tourisme et bien sûr la course avec les arrivées en direct. Du lever des coureurs jusqu'au podium, ne ratez pas un instant de la grande boucle. Le Tour de France, vivez-le en direct sur Vivacité. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Les étudiants à la veille de l'été, 18% des étudiants qui travaillent pendant l'année ont un job. Oui, mais un job au noir, que risque-t-il ? On appelle Randstad dans une seconde. Dernier commentaire au standard, Marion. Et ce commentaire de Gaëtan de Malines, il est étudiant et lui travaille au noir généralement à partir de septembre, bien parce qu'après les deux mois de vacances, Gaëtan n'a plus de jours disponibles. Alors voici sa question, si le nombre de jours de travail d'étudiants n'était pas limité à 50, est-ce qu'il y aurait moins de travail au noir chez les étudiants ? Gaëtan voudrait avoir l'avis de Valérie Denis, collaboratrice Randstad sur la question. Oui, et c'est Randstad qui sort donc cette étude. Valérie Denis en ligne, bonjour. Bonjour. Commençons par la question qui dérange de ce matin. Un étudiant mineur fait un job étudiant au noir. On le détecte. Qu'est-ce qu'il risque ? Il peut perdre des allocations familiales ? Point d'interrogation. Alors, bah, il faut savoir qu'effectivement, un contrat d'occupation étudiant... garantit les droits et obligations des étudiants. Donc il n'est pas là pour rien, hein, il n'est pas là pour des cacahuètes. Mais s'il ne l'a pas, on reviendra aux protections qu'offre le contrat. Oui. Mais si le mineur n'a pas le contrat, qu'est-ce qu'il risque ? Effectivement, première chose, n'ayant pas de contrat, il n'a pas de protection sociale ni d'assurance. Donc au niveau du travail, s'il lui arrive un accident du travail par exemple, il n'est absolument pas couvert. Donc c'est pour sa pomme, si je peux dire, quoi. Deuxièmement, il n'a aucune garantie non plus d'être rémunéré de la part de l'employeur. Et troisièmement, effectivement, s'il s'avère qu'on découvre qu'il est sans contrat, il peut effectivement être sujet à de lourdes sanctions, ainsi que l'employeur, hein, d'ailleurs. Quelles sanctions ? Puisqu'on a affaire là à un mineur. On ne peut pas lui retirer une allocation de chômage, il n'en a pas. On ne peut pas le pénaliser. Il a pas de revenus. Comment on peut pénaliser un mineur, le sanctionner ? Effectivement, on peut jouer sur les allocations familiales. Maintenant, ça dépend d'un cas à l'autre aussi. À ce niveau-là, il faut... Mais ça, la loi le prévoit. La loi prévoit qu'on puisse retirer ou s'attaquer aux allocations familiales. La loi le prévoit dans le sens où, effectivement, comme je dis, c'est un petit peu un cas n'est pas l'autre. Maintenant, il faut voir au niveau du SPF Finance et Emploi, effectivement, comment est-ce que eux voient les choses par rapport au cas des mineurs et au cas des non-mineurs. Maintenant, ici, la législation est très claire et on a quand même une très grande flexibilité. Les risques qui sont encourus sont vraiment inutiles à prendre, quoi. Ça veut dire quoi? Que les 50 jours, pour l'instant, même si on dit que la législation va évoluer et qu'on voudrait maintenant proposer un nombre d'heures aux étudiants au lieu de fixer le temps de travail à 50 jours, ça veut dire que la loi 50 jours, elle n'est pas bien faite? C'est pour ça que les étudiants, au lieu de fixer le temps de travail à 50 jours, ça veut dire que la loi 50 jours, elle n'est pas bien faite? C'est pour ça qu'il y a un gage au noir? En effet, en fait, c'est pas qu'elle est pas bien faite, mais le problème aujourd'hui, c'est que par exemple, des étudiants qui vont travailler que trois heures, sur une journée, perdent une journée complète. Donc effectivement, les 50 jours à cette allure-là disparaissent assez rapidement. Et de ce fait, ben, peut-être qu'effectivement, comme le signale l'étudiant qui a posé la question, ben, il a perdu ses 50 jours alors qu'au total, il a peut-être travaillé 24 heures, quoi. Allez. Bon, là, j'exagère un peu, mais ici, la nouvelle législation qui est prévue d'être votée au 1er janvier 2017 va permettre aux étudiants de retirer des heures et non plus des jours de leur compteur, si je peux dire. Et donc, ça risque quand même vraiment de, ben voilà, d'avoir un impact super positif par rapport à cette histoire de contrat, justement. Vous savez comment ça va quand un travailleur fait du noir, son brut devient son net, en quelque sorte. Est-ce qu'un étudiant, même s'il est illégal, n'a pas intérêt à travailler au noir, comme ça son brut devient son net ? Non, dans le sens où l'employeur est tout à fait exonéré de toute charge sociale, sauf ils doivent payer une cotisation de solidarité. Donc au niveau du brut et du net, il y a vraiment très très peu de différence, quoi. J'en reviens maintenant aux sanctions. Donc on a parlé des étudiants qui étaient au noir. Que risque l'employeur qui emploie un étudiant au noir ? L'employeur risque de lourdes sanctions au niveau fiscal, mais également à partir du moment où on n'a pas de contrat écrit qui parle d'une validité de date de début ou de fin d'exécution de contrat, en fait, l'étudiant est considéré à l'égard de l'employeur comme étant lié par un contrat de travail conclu à durée indéterminée. Donc avec tout ce qui va avec, bien sûr. Ah, donc si on pousse la logique jusqu'au bout, je serai obligé de garder mon étudiant ad vitam aeternam, pratiquement. Ad vitam aeternam, ou alors ici, dans ce cas-ci, l'étudiant pourra alors mettre fin immédiatement au contrat sans préavis ni indemnité de sa part, mais en ce qui concerne l'employeur, il y a des sanctions qui sont liées aux conditions applicables au contrat de travail à durée indéterminée. 10 secondes devant nous, Valérie Denis. Les contrôles sont nombreux ou on contrôle pas trop pour les étudiants ? Oh, là, je ne saurais pas vous répondre personnellement dans le sens où de notre côté on a des contrôles effectivement, mais nous en tant que société intérim on est Vous êtes un peu à part, donc la question on la posera la prochaine fois à l'inspection du travail. Merci de nous avoir éclairé sur le début de conversation, Valérie Denis, collaboratrice Randstad. On va vers les enseignements dans un instant dans C'est vous qui le dites. Alors, vous partez en vacances le 1er ? Ah non, pas le 1er juillet. Ah bon ? Mais c'est normal, je vais faire les soldes à Belle-Île. Le vendredi 1er juillet, les soldes commencent à Belle-Île avec une nocturne jusqu'à 22h. Et dimanche 3 juillet, ouverture exceptionnelle de 10 à 19h. Vivacité présente les 19e Tchafourni. Ces 2 et 3 juillet, troubadours, acrobates et poètes des temps modernes vous invitent au cœur d'Angie pour un voyage onirique et hors du temps à travers les arts de la rue. Entrée 2,50€, gratuit pour les enfants. Info ccangie.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Avenir et RTC Télé-Liège. Un bon plan ? C'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Un nouveau smartphone ! Ah oui, ça sonne bien, ça. Ou des vacances au soleil ! Ah, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent ce jeudi 30 juin un supplément gratuit sur le Tour de France. Plus de 30 pages pour tout savoir sur les équipes, les coureurs, les étapes et les principales difficultés de la Grande Boucle. C'est ce jeudi 30 juin et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et on commence donc. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et on commence donc. 38 374 à faire le débat ce matin, dont Laurette. On s'interroge sur le nombre d'étudiants qui travaillent au noir, mais la question devrait être: que pensez-vous des patrons qui prennent des étudiants, des chômeurs, des travailleurs et qui ne les déclarent pas, puisque c'est eux qui sont à l'origine du problème, nous souligne Laurette ce matin sur la page Facebook. Vous avez souhaité tout à l'heure une conversation sur ce héros wallon qui a donc dimanche soir sauté pour sauver une dame de 61 ans, Yacine, 24 ans. Et bien, parmi les enseignements de ce matin, on retiendra d'abord l'avis des professionnels. Alain Pompier, Alain de la Protection Civile, qui nous signale que l'eau dans ce moment de crue était particulièrement difficile à aborder. Ou encore Jean-Marie Abraine-Lecomte, pompier, lui, qui nous a signalé que tout ça était affaire de prudence dans une eau particulièrement sombre. L'avis des professionnels qui ont souligné donc une performance. Vous avez été nombreux à pointer quelque chose qui était de l'ordre de l'instinct et non pas de la réflexion. On n'en réfléchit pas à sauver quelqu'un, on y va. Et puis une demande, celle d'un équivalent de Légion d'honneur pour ce jeune Yacine à 24 ans. Au standard, Marion, dernière personne à laquelle vous avez parlé. C'était Joël de Rhodes-Sainte-Genèse. Joël explique que si, quand quelqu'un se noie, eh bien, la plupart du temps, les personnes restent sur le bord de la berge sans sauter, eh bien, c'est tout simplement une réaction psychologique. Plus il y a de gens qui attendent sur la berge, moins il y a de chances que la personne dans l'eau soit sauvée, tout simplement parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas et saute. Donc jusqu'à ce que généralement soit la personne se noie, soit quelqu'un finisse par se décider à sauter. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur les Namurois que regarder une dame mourir. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Jean-Marie Abraine-Lecomte à 10h13. Jean-Marie salue le courage de Yacine. En tant que sapeur-pompier ambulancier, Jean-Marie sait que c'est très difficile. Il fallait beaucoup de courage, ne plus que 10 mètres. Vous savez, en fait, effectivement, vous savez, 10 mètres, que ça soit dans n'importe où, 10 mètres, c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez le stress, l'adrénaline, sauter, aller chercher quelqu'un, la ramener sur le bord, ça demande beaucoup de courage. Je crois que c'est spontané, hein, le fait que c'est un geste exceptionnel, mais bon, c'est voilà. On ne réfléchit pas à ça. Hein. On ne réfléchit pas. C'est comme ça que vient. Et puis, voilà. Maintenant, je pense que les personnes qui ne sont pas suffisamment jeunes, qui ne sont pas suffisamment bons nageurs, forcément, on ne peut pas demander ça. Franchement, non. Je n'aurais pas eu le courage. Mais je regarde impuissant. Maintenant, je regarde les gens autour de moi. Je crie peut-être. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui a le courage, les bons nageurs pour sauter. Mais moi personnellement, non. En plus, avec tout ce passe maintenant, les cours d'eau, etc., je n'aurais pas de cran, non. Je suis invalide, mais je saute quand même. Quand il y a une dame qui, même qu'elle soit suicidée ou pas, il faut porter secours. Sauver une tentative de suicide, ça veut dire help. Que ce soit à la maison ou dans l'eau, ce sont des appels au secours. Allez dire, oui, mais tous les gens qui ne l'ont pas fait, ils auraient dû, c'est des peureux. Non, non, non, non. À un moment, il faut regarder les choses, il faut poser les choses correctement. Vous êtes dans une rivière, sans vue, le soir, avec du débit, une personne qui est probablement habillée, qui va se débattre, c'est quelque chose de très, très compliqué. Il faut le mental, il faut avoir la cohésion, il faut être certain de son coup. C'est un héros, le gars, c'est magnifique ce qu'il a fait. Pour le dire vulgairement, il a eu des couilles que beaucoup d'autres qui étaient autour n'avaient pas. Ding, ding, ding, ding, ding. Je fais la musique moi-même, c'est plus facile. Vous souhaitez continuer la conversation, c'est sur la page Facebook. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. Passez une bonne journée et à demain.